Parlons de conscience. Voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de cet enregistrement que je vais effectuer en compagnie de Sergio. Alors, Sergio qui est présentement en compagnie avec moi. Donc, bonjour Sergio. Bonjour David. Ça va bien? Super bien, une belle journée aujourd'hui, ensoleillée. Oui. Moi, en tout cas, j'aime la chaleur et le soleil. Fait que moi, quand on a fini l'entretien, je m'en vais dehors. Profiter du soleil. La même chose pour moi, pareillement. Donc, pour les gens qui écouteront cet enregistrement, nous l'effectuons présentement en date du 11 juin 2017 et il fait une journée qui est splendide. Et puis, continue, je t'écoute. Non, c'est bien correct. Donc, c'est sûr que pour les gens qui te découvrent pour la première fois, on peut mentionner par rapport à toi, Sergio, que tu es quelqu'un qui a un cheminement personnel en relation avec la conscience qui date depuis plusieurs années. Et puis, c'est sûr qu'en relation avec cet aspect-là de l'existence, tu as également là, une page Facebook. Donc, ça peut être l'occasion d'entrée de jeu en début d'émission là, de mentionner quelques informations s'y rapportant. OK. Pour faire un résumé, c'est ça. J'ai une page Facebook qui ça s'appelle « Conscience en évolution, occultisme et métaphysique ». Fait que ça touche une diversité de sujets, dont l'expérimental, bien sûr. Et puis, bon, beaucoup de c'est surtout une librairie virtuelle, à savoir que je mets beaucoup d'extraits de bouquins pour faire un suivi comme ça jour après jour. Et puis, les bouquins, il y en a des plus grands auteurs que soit l'occultisme, l'ésotérisme ou l'expérimental ont publié. Ça part d'Alice Bailey, Rudolf Steiner, j'ai même ici le psychiatre Jung qui a amené des bonnes choses. J'ai toute une panoplie comme ça de lectures. J'ai mes propres textes d'ailleurs aussi, que j'avais déjà écrit des manuscrits là, une vingtaine d'années. Ça, c'est un niveau de développement de conscience expérimentale. Et puis, c'est ça, les gens, je maintiens tout le temps à 250 membres parce que plus que 250 sur Facebook, tu vois pas les gens, tu vois pas les gens qui ont lu, tu vois pas le nombre de gens. Puis moi, c'est important pour moi parce que j'aime avoir sondé le pouls, savoir qu'est-ce qui est plus intéressant au moins. Puis je suis pas intéressé à avoir des groupes de 2500 personnes. Fait que c'est vraiment un groupe de gens qui sont intéressés à l'évolution. C'est très harmonieux, il n'y a pas de guerre d'ego. C'est de l'étude. Finalement, c'est un peu un forum d'études sur toutes sortes de formes d'évolution. Les gens peuvent commenter, c'est bien sûr, s'il y en a qui ont des questions. Et puis, c'est ainsi que ça va, ce groupe-là. Et puis, ça va bien. C'est un groupe d'études, je pourrais dire, sur des questions diverses sur l'évolution, selon chacun, la vibration de chacun. Excellent. Donc, c'est sûr que suite à l'écoute de l'enregistrement, vous allez avoir l'occasion de retrouver en bas de cet enregistrement là, le lien pour accéder là, à la page Facebook. Quoique, est-ce qu'il oui, y a un titre? Excuse, effectivement, il faut que les gens, qu'est-ce qu'on dit, il faut que les gens saisissent Facebook. Puis aussi, j'ai oublié de dire, il faut que les gens, j'ai le contact d'amis avec les gens. Parce que vu que c'est un groupe privé, il est invisible, autrement dit, c'est un groupe invisible. Fait que je suis dans mes contacts, puis à partir de mes contacts, j'inscris les personnes dans le groupe. OK, donc la procédure pour que les gens accèdent à ton groupe, est-ce qu'il faut qu'ils t'écrivent au préalable par courriel? Qu'ils m'envoient une demande d'amis. Sur Facebook? Oui. Et ton nom d'utilisateur, c'est? C'est Sergio Poirier. Tout simplement? Oui. Parfait, parce que je voulais préciser, parce que des fois, il y en a plusieurs oui. qui ont le même nom sur Facebook, donc ça vient difficile de les retracer. Donc, tout simplement, Sergio Poirier. C'est ça, puis je posais avec ma guitare dans la photo de profil, là, c'est assez voyant. Bon, donc, ça va être une façon simple pour les gens de te redresser. Donc, suite à l'écoute de l'enregistrement d'aujourd'hui, voudront entrer en contact avec toi. C'est ça, exactement. Et puis, en ce moment-là, bien, si la personne est intéressée, je l'inscris dans le groupe, puis c'est automatique de même. Excellent. Et puis, sinon, justement, pour parler de toi, tu as été, je pense, l'un des rares individus au Québec qui a eu la chance d'être aux premières loges de l'émergence de la conscience supramentale ici, en termes de diffusion publique, parce que dès 1977, c'est ça. Où Bernard de Montréal a passé pour la première fois à la télévision dans le cadre d'une entrevue avec Richard Glenn. Tu avais écouté cet enregistrement. Oui, puis comme ça, je dis souvent des gens, quand j'avais écouté ça, bon, dans ce temps-là, en 77, donc, j'avais déjà, excuse, de l'intérêt pour l'étude de l'évolution, mais à ce moment-là, c'était pas la question supplémentaire, je ne connaissais pas ça. Donc, j'étais plutôt des livres d'Alice Bailey, puis même Allan Kardec, à cette époque-là, j'étais plus. D'ailleurs, j'étais dans un groupe de parapsychologie expérimentale à cette époque-là, pendant 2 ans. Où on étudiait les voyages astraux, les contacts avec des esprits, tout ça, télépathie à distance, tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai tombé sur l'émission, puis j'ai dit, tout de suite, pratiquement, peut-être après 10-15 minutes d'écoute, j'ai dit, c'est un gars qui pense comme moi. Et puis bon, sachant que Bernard ne pensait pas, là, mais c'est une figure de style, tu sais. Mais j'ai tombé tout de suite, comme sûrement ça arrive à d'autres personnes, mais tu sais, tout de suite en harmonie avec qu'est-ce qu'il disait. Et puis ça continue après ça, avec ça, tu sais, ces cassettes. Puis, mais je ne suis pas un séminariste de Bernard parce que j'ai tout le temps été, depuis ma très très jeune âge, j'ai tout le temps été très indépendant d'esprit, à savoir, j'aime pas me lier trop à quelque chose. Tu sais, à quelqu'un, je vais l'écouter, je vais apprendre de lui, le rencontrer, tu sais, pour parler, comme qu'on dit, moi je pourrais dire ça, pas d'affaire de. Ça être sous l'instruction même, mais parler avec la personne en direct, si tu veux, de discuter. C'est ma nature à moi. Je suis difficilement assimilable, si on peut dire. Mais échanger, partager, égal à égal, c'est ça, je veux dire. Égal à égal, bien ça, je suis une personne comme ça. Ben, Puis, c'est quand excellent, on tu peut, parlais oui. la racine de la racine, là, au niveau de la racine de Bernard de Montréal à ses débuts, bien aussi, je suis un des rares au Québec qui étudie les deux, soit Daniel Kim puis Bernard, dans le cheminement. Oui, parce que ça a été deux figures marquantes qui ont diffusé de la conscience au fil des ans. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, en ayant le plaisir de t'avoir en entrevue, je pense que ça peut être l'occasion de faire bénéficier aux auditeurs et auditrices de toute la richesse de ton cheminement qui s'articule sur près de 40 ans Ça. d'écoute, Oui. d'enregistrement, de t'assister aussi à des conférences de gens qui œuvrent dans le domaine du supramental, donc de 1977 à 2017. Je veux dire, il y J'ai a eu fait ici beaucoup de d'ailleurs, choses. j'ai Oui? fait 2 conférences, tu sais, à l'époque, quand Richard avait eu des problèmes, j'avais remplacé Richard 2 fois à Montréal par Québec. C'était 1 an après le décès de Bernard, donc en 2004, j'avais conférencé sur bon, la nature du supramental. C'est deux conférences, les deux seules conférences que j'ai faites publiques, moi je n'ai faites par après des privées. Mais j'ai eu l'expérience aussi de conférencer sur le sujet. Exactement. Fait que c'est sûr que peut-être les historiens du futur, dans 100 ans ou dans 200 ans, seraient curieux d'avoir ton témoignage en tant qu'individu qui a été aux premières loges de l'émergence de cette conscience nouvelle au Québec. C'est Donc, ça. c'est sûr que c'est intéressant de voir tout d'abord quand que tu as commencé en 77, là, à C'est ça. écouter la première émission des autoristes expérimentales qui recevaient Bernard de Montréal. J'étais curieux d'avoir un peu plus de détails sur comment que tu as réagi. Est-ce Oui. que tu as eu des chocs en entendant là, pour la première fois Bernard parler? Oui, effectivement, comme je te disais tantôt, c'était un choc, on va dire, entre guillemets, positif. Mais c'était un choc, oui, parce que, bon, tu sais comment se parlait Bernard. Je le trouvais quand même froid. OK. Si tu te souviens, Bernard, les premières entrevues, parce qu'après, il était beaucoup un petit peu plus humain que robotique. Je trouvais le langage un peu robotique. Puis ça m'a frappé, mais ça ne me dérangeait pas au point de vue, parce que pour moi, qu'est-ce qui arrive, comme je te disais avant, j'avais connu beaucoup d'autres individus quand même en personne, ou bon, surtout en personne, j'avais de la misère à dealer avec des gens qui sont trop mielleux. Je sais pas ce que je veux dire par là, tu sais, mielleux spirituel, là, tu sais, genre trop dans le sens, pas je dirais pas qu'on va la créer dans les autres, mais trop empirique. Tu sais, parce que Bernard, je le trouvais vraiment distant. Puis moi, dans ce niveau-là, quelqu'un qui est à distance, ça veut dire qu'il n'essayait pas que tu t'attaches à ce qu'il d'ailleurs, on sait, que tu t'attaches à ce qu'il disait. Fait que pour moi, à ce point de vue-là, c'est ça que je vibrais, tu sais, le non-attachement de son discours. Et puis surtout, il poussait tellement loin, je veux dire, au niveau de la conscience, même dans sa première entrevue, que ça m'a fasciné. C'est la manière quasiment cosmique qui amena son sujet, tu sais. C'était vraiment nouveau, on le sait. Puis pour moi, c'était à la fois intéressant et intriguant. Puis à savoir, à découvrir. Et parce que je dis souvent aux gens, même ces derniers temps, les gens qui cheminent, n'essayaient pas d'apprendre, essayaient de comprendre, dans le sens que je sais que Bernard disait qu'il n'y avait rien à comprendre. Ça, c'est au niveau absolu d'étudier une conscience cosmique que tu n'as pas de rien de palpable moi, je pourrais dire, à mémoriser, mais comprendre, dans le sens, si je parle d'individu, au niveau de son propre évolution personnelle, je veux dire, il faut qu'il comprenne qu'est-ce qu'il fait, il faut qu'il comprenne ses faits et gestes, pourquoi qu'il évolue, mais pas l'apprendre, parce que l'apprendre, c'est comme un professeur à l'école. Non, Il non, ben, il n'y a rien à apprendre sur le plan ça. intellectuel, mais C'est on ça. peut savourer la vibration qui est manifestée par une parole qui est ajustée par le plan mental. C'est ça. À ce moment-là, tu comprends tout, puis tu le savoures, tu sais, instantanément. Mais Oui, parce peut-être que tu as qu'après rien. tout, chaque personne possède à l'intérieur de lui-même C'est son ça. propre accès au savoir. Puis normalement, quand on écoute quelqu'un qui parle supramentalement, c'est pour faire écho à la propre réalité qu'on porte en soi. C'est ça. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'apprendre. Non, non, c'est ça, on n'a pas besoin de prendre des notes. Ah, c'est ça. Sinon, tu ne finis plus. Surtout si on prend le matériel de Bernard, entre autres, écoute, tu m'y es fou à vouloir apprendre ça. non, quelqu'un qui veut étudier ça, il y a au-dessus de 500 enregistrements, là. C'est Donc, ça. de mémoriser ça, ça Non, non. c'est Mais d'un impensable. début, Oui. je peux t'avouer que d'un début, j'étais pas... je te dis ça de même. Moi, Oui. j'étais comme ça avec les autres œuvres avant lui, les œuvres de Blavatsky ou Urantia, tout ça, j'avais étudié ça avant. J'étais porté, tu sais, à me mettre en jaune, tu sais, dans les. Qu'est-ce qu'il fallait que je me rappelle? Parce que là, j'avais pas écouté Bernard encore. Fait que pour moi, plus que tu n'apprenais, plus que tu mémorisais, plus tu devenais meilleur, tu sais. J'étais dans cette poison-là, me rappeler. Tu comprends-tu? Oui, c'est ça, mais tout le système scolaire occidental vise à la mémorisation d'informations. Donc, à un moment donné, on est conditionné à agir ainsi, là. Totalement. Totalement. Puis, d'ailleurs, j'en donne un peu d'instruction à des gens autour de moi. Puis, ce que je leur dis tout le temps, c'est ben, c'est un peu ce que Bernard disait, mais je suis complètement d'accord avec ça. Créez-moi pas. Tu sais. Ajustez-vous par vous-même ce que je dis. Si ça vous fait vibrer, ça vous fait vibrer. Si ça ne vous fait pas vibrer, faites attention. Parce que là, si ça ne vous fait pas vibrer, vous y allez avec une croyance, c'est pas bon. En tout cas, ce n'est pas le temps encore, peut-être, tu sais. Ou c'est pas dans la bonne dynamique de pensée pour le moment. Fait que, c'est comme je dis souvent, le prof qui enseignait, puis moi, je suis pas un prof, mais bon, je suis un coach, un instructeur, qu'importe le nom, j'instruis. Mais instruire, ça veut dire que tu es libre. Faut que tu sois libre dans la compréhension. Exactement, c'est très sain de mettre en garde les gens contre la croyance. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait de nombreuses reprises là, en début là, de plusieurs enregistrements que j'ai produits d'ailleurs pour l'Internet pour éviter les abus qui peuvent être occasionnés Oui, par la je sais que croyance. tu faisais ton entrée souvent, tes autres conférences, ça peut être avec, tu le disais tout le temps au début. Hein. Moi, je ne sais pas ce que tu disais, là, mais tu disais, tu mettais en garde les gens que ce que tu disais, ben, il fallait pas qu'ils. Comme tu disais ça, tu disais qu'est-ce que tu Oui, disais, la petite phrase que tu disais avant, là, de pas, en tout cas, de t'écouter objectivement. ben, c'est ça, je dis aux gens de ne pas croire puis de vérifier par eux-mêmes si ce que je dis, c'est C'est réel. ça, c'est ce que tu disais, oui. Donc, C'est excellent. Je te dirais oui. aussi la différence de base, là, si on parle de conscience, d'intégration, c'est que la plupart des gens, écoute, j'exagère pas 90% des gens, c'est que par l'ego, si tu apprends des choses par l'ego, à n'importe quel niveau, puis même, ça c'est toute expérience que l'humain vit dans sa vie, là, ça c'est. Bon, il va prendre. S'il y a un trop-plein en lui qui peut pas se vider, là, il va tomber dans l'alcool, dans la drogue, dans le sexe, ou encore à un niveau où la personne a besoin de se nettoyer un peu, ils vont avoir des chouras, qui vont aller des choux tout simplement, le spa. Pourquoi? Parce que c'est pour les soulager. Tu comprends-tu? Les soulager. Tandis qu'au niveau de l'esprit, si tu prends dans un sens plus de l'esprit, donc on va parler d'intégration de conscience, c'est plus te libérer. C'est pas pareil, tu sais, entre te soulager et te libérer. Je ne sais pas si tu vois la différence, mais soulager, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as encore besoin, encore une fois, de te soulager parce que tu es un trop-plein d'inconscience. Tandis que te libérer, c'est d'être libre. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des activités, tout ça, aller voir un match de hockey, aller voir un show rock, n'importe quoi. Mais il faut tout le temps que tu restes au secondaire d'un peu d'expérience. Que tu n'essayes plus après ça, dépasser par l'expérience même, que tu sois libre. Libre, ça veut dire qu'il n'y a pas d'attachement finalement. Il faut que tu sois au secondaire. Il faut que Bon, tu ben, sois ça adapté. revient au principe qu'il faut être totalement détaché de la forme. Tout le temps. Ah, c'est ça, exactement. C'est ça, mais de mon point de vue, la personne peut faire différentes justement activités comme aller voir de l'hockey, le football ou même un spectacle de musique rock. Mais si la personne est capable d'y aller non pas pour justement se soulager, pour se décharger C'est ça. émotivement par rapport à des frustrations refoulées, mais C'est ça. si elle va pour savourer la vibration qui est en présence, c'est correct aussi, C'est correct. mais Absolument. c'est ouais. Moi, j'étais un rocker, tu sais, ben, rocker, j'étais un musicien, tu sais, puis ça aussi, ça date peut-être de 50 ans, et que je m'intéresse à la musique, puis je serais vraiment capable de me détacher de l'intérêt, c'est mon intérêt, c'est autant que d'autres, c'est du sport et d'autres choses, mais j'ai tout le temps, moi, quand j'étais à voir des shows rock à Montréal dans les années 70, 80, des gros shows, là, Led Zeppelin, tout ça, puis moi, j'étais la personne qui restait très calme. Comme tu disais tantôt, je savourais mon moment, compte tenu de l'importance du spectacle, mais j'étais le gars qui appelait du soleil, c'est sûr, mais ça restait là. J'étais pas le gars à crier, puis tout ça, là, puis à me lever de bas. J'étais très individualisé dans ces choses-là. Je vais écouter une partie de hockey, la Coupe Stanley, tout ça, là. Moi, comme j'ai dit souvent, j'étais un fan, mais je ne suis pas un fanatique. T'sais. Non, non, c'est ça. Tu iras pas dans la rue démolir des autos, te mettre à hurler puis saccager des C'est lieux ça. publics là, comme certains partisans vont le Oui. faire là. Et Oh, mais que même sans casser rien, parce que là, on tombe dans des gens qui ont vraiment c'est vraiment des casseurs, mais je veux dire, même les gens qui sont poignés, si tu veux, dans l'ivresse du gain ou dans l'ivresse du sport, de leur équipe favorite, comme tu dis, puis tu le vois à la télévision, c'est de bien. Puis s'ils si parlent, ils ont de la peine, puis quand il y en a quasiment pour 2 jours sans remettre, ça c'est du fanatisme. Oui, c'est des gens qui sont associés psychiquement à l'équipe d'hockey et ils ont une conscience collective. Donc, si l'équipe perd, ben là, ils vont faire une crise de tristesse. Puis si l'équipe gagne, ils vont faire une crise de joie parce qu'ils sont L'euphorie polarisés dans le même. mental. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et puis, c'est ça. Ça c'est un autre indice d'inconscience. Puis, hier, j'ai été à un service funéraire, puis une tante à ma femme. Puis, justement, je pensais à notre entrevue d'aujourd'hui, parce que je regardais. Bon, il y a eu une messe avant, peut-être. Je peux dire que c'était difficile pour moi d'aller à la messe. Il faisait 15 ans que je n'avais pas été, parce que c'est toujours la même sermonnage, en tout cas. Puis au cimetière, ben, c'était en urne, puis la urne, c'est la première fois que je voyais ça d'ailleurs avec une urne. Dans mon temps, c'était des cercueils, là. Puis ils mettaient un petit trou, ils mettaient la urne dans la terre. Et puis il y avait des cousines de ma femme, tout ça, des tantes, ils disaient, tu sais, ils disaient qu'on va tous passer par là, tu sais. Admettons, c'est dans le trou. Fait que tu vois, ça me faisait penser quand j'étais jeune au primaire, tu sais, tu es poussière, tu retournes en poussière. Tu sais. Ça c'est vraiment je ne dis pas que c'est de l'inconscience négative, mais ces gens-là sont encore pognés par le dogme de l'Église. Tu sais. C'est des gens quand même assez âgés, mais du moins de 50 ans. C'est des gens qui n'ont pas été capables, malheureusement, de se déconnecter d'une vision, comment je pourrais dire, d'une vision ancienne de la conscience que sa terre, tu es un tas de poussière. Tu Ben, comprends-tu? c'est-à-dire pour Oui. l'aspect physique, c'est sûr que le corps va se décomposer. Par contre, l'esprit, ben là, c'est sûr qu'il va aller ailleurs, là, après, là. Oh, j'espère. Mais Ouais. c'est sûr. Mais ces gens-là, tu pourras. Tu sais, dans ce genre de personnes-là, tu ne peux pas aller trop loin. Bon, Bernard disait, il expliquait à sa mère, il parlait de sa mère des fois qu'il était très spirituel, aussi très religieuse. Fait qu'il faisait attention comment qu'il parlait. Puis, moi aussi, d'ailleurs, je ne suis pas le gars qui va essayer d'amener un savoir pour c'est quoi de dire intéressant. Mais je que je voulais dire, c'est que la conscience, à ce niveau-là, comme qu'on en parle de gens, qu'on développe, il n'y en a pas, là. Ça demeure juste une appartenance religieuse à des croyances, surtout au Québec des années 50-60. Moi, j'ai connu ça à l'école, là. J'avais 7 ans, quand, à peu près, au primaire, quand ils enseignaient l'enseignement religieux du catéchisme, tout ça. Je te jure que quand tu as 7 ans, 8 ans, tu prends conscience de ça, tu sais, c'est raide, ça, c'est un peu. C'est comme tout ce qu'ils nous disaient, là, puis. Dieu, puis Yahweh, puis tout ça. Ça, j'ai vu quelque chose, puis je peux te dire une chose là-dessus. Peut-être c'est là que j'ai eu ma première, on va dire, illumination, mais clarté, tu sais, d'esprit, ça, c'est que je reniais quasiment Dieu à l'âge de 9 ans. Tu sais. Il faut le faire parce que dans ce temps-là, c'était les mains jointes et les genoux à terre. Tu sais. Mais renier dans le sens que je ne pouvais pas comprendre qu'il nous présentait comme infiniment bon, puis infiniment partout, puis infiniment parfait, quand que finalement, il y a eu des atrocités, que ça soit le déluge, Caïn, le fils d'Abraham, Isaac, tout ça. Puis que, bon, il y avait la punition, je veux dire, très rapide, on va dire, au niveau d'un quelqu'un qui, bon, comme Adam et Ève, l'histoire de la pomme, tout ça. Mais pour moi, je voyais un paradoxe. Hein. Fait que finalement, pour moi, je vais te dire, j'étais plus pro-Lucifer que pro-Yahweh. Bon, ben, tu vas Ça sans fait doute split. surprendre plusieurs personnes qui nous écoutent. Il faut faire attention quand je dis ça, là. Mais pro-Lucifer, dans le sens pas satanique du terme, dans le sens de la révolte. Oui, ben, tu as commencé, dans le fond, de ce que je comprends, dès l'enfance, à remettre en question, la religion, puis d'une manière assez précoce. C'est ça. Mais, comme je tiens à dire que Lucifer, pour moi, c'était quelqu'un qui voulait se libérer de contraintes religieuses. Ça ne veut pas nécessairement dire de ne pas respecter. Là. Il a bon respecter si tu veux, la bonne convenance de bien se tenir. C'est tout ça, je n'avais rien contre ça. C'était plutôt l'autorité qui me fatiguait. L'autorité suprême, dictature, pour moi, c'était carrément une dictature. Parce que dans ce temps-là aussi, même à 8-9 ans, je m'intéressais aux guerres anciennes, puis toutes les guerres grecques, les guerres, Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Les dictateurs, j'en étudiais. Puis je voyais un rapport, moi, pour moi, c'était très froid, puis ça ressemblait. Fait que quand je dis Lucifer, pour moi, c'était plutôt le concept de me libérer, si tu veux, d'une autorité vraiment négative. Parce que pour moi, j'ai longtemps, d'ailleurs, étudié l'énergie luciférienne. Aujourd'hui, j'écris des textes là-dessus, d'ailleurs, dans mon groupe. L'homme et la femme, la femme et Lucifer, le mensonge de l'homme, c'est-à-dire comment est-ce que l'homme a traduit Lucifer en Satan, puis comment est-ce que l'homme a tout le temps aussi abaissé la femme. Ça, pour moi, j'étais un combattant là-dessus, à savoir que les religions, les dogmes, tout ça, ils ont caché la vérité. Bon, qu'est-ce que Benoît a appelé le mensonge cosmique, finalement, dit. Ils ont caché la vérité, puis ils ont tout mis le. Ils ont mis. Tu l'appelles l'ange de lumière qui était un ange déchu, alors que le concept de Satan, c'était pas du tout ça. Tu sais, le Satan, c'est vraiment le mal, tandis que Lucifer, c'était la lumière qui a permis à développer l'ego. C'est autrement, là. Puis par contre, aujourd'hui, c'est sûr, comme j'ai écrit dans mes textes, Lucifer, c'est le père de l'ego. Par contre, il faut un jour que tu te libères de l'énergie luciférienne pour fusionner avec l'énergie cosmique. C'est un passage, c'est une transition, l'énergie luciférienne. Mais c'est pas une prison, c'est pas satanique, là, c'est pas pareil. Satanique, c'est vraiment les forces du mal, puis l'astral, puis tout ça. D'ailleurs, le bas astral, le haut aussi, tant qu'à ça. Mais j'ai changé, moi, dernièrement, j'ai écrit sur un forum, un autre forum, un autre groupe, c'est le groupe où je travaille à l'hôpital, puis j'amène quelques textes comme ça tranquillement, là, tu sais. Puis, je ne parle pas de l'astral en tant que tel, parce que je suis un peu de la vie avec le petit nouveau, le Bertol. Il n'aime pas parler de l'astral. Moi, je parle de force d'impression qui vampirise l'ego de l'âme, qui manipule, domine l'ego de l'âme, les forces d'impression. Puis, les forces, bon, dans le fond, je sais que c'est ça. C'est une minute, force d'oppression ou D'impression. d'impression, OK. Oui, l'impression, c'est-à-dire tout ce qui te rentre dans la tête au niveau de la pensée qui t'impressionne, tu sais. Ben, c'est pas juste ça. Tu peux avoir aussi ton hérédité. Tu peux avoir. Parce que si tu as un père batteur de femme ou une femme névrosée, la fille ou le petit garçon qui naît, il va avoir peut-être des traces karmiques de ça aussi. Tu as aussi des dettes karmiques quand tu nais, quand tu évolues. Là. Fait que tout ça, là, ça donne Ben, des. c'est-à-dire que la personne a des dettes karmiques tant aussi longtemps qu'il est associé psychiquement avec des forces involutives ou astrales, là. C'est ça, exactement. Mais quand tu es pogné dedans, tu sais. Oui, c'est sûr que la programmation parentale auquel tu fais allusion, le père qui est batteur de femme, la personne est dans un milieu dysfonctionnel, ça devient très difficile à la personne de se libérer d'éléments de cette nature-là qui vont avoir tendance à la programmer d'une manière à rester inconsciente. C'est ça. Bernard, il parle souvent de gens, on est marqué. Tu l'as entendu, cette expression-là. Certaines gens sont marqués pour évoluer dans un état de conscience intégré. Fait que, bon, c'est là-dessus. Moi, je pourrais dire ça. Je peux pas être d'accord, mais c'est parce que, tu sais, quand on parle d'élitisme, mettons, tu te souviens, dans le temps des nazis, ils appelaient ça l'eugénisme, c'était bon, la race aryenne, la race parfaite. T'sais. Et puis, j'ai de la misère un petit peu avec ça, sans pour longtemps nier, mais Ben, attends une minute, autrement là, on dit. va clarifier les choses pour pas qu'on s'égare dans la discussion. OK. Est-ce que pour toi, la conscience supramentale, c'est une conscience élitiste? Je dirais quoi? Oui? Oui. Dans quel sens? Dans le sens que si je reviens au fait, comme je t'ai dit, quand tu étais marqué, d'avance pour développer dans ta vie actuelle, ou peut-être au maximum des prochaines, mais pas dans 200, là, ou une conscience élitiste, parce que si on se situe maintenant sur le plan pratique entre les riches et les pauvres, matériellement parlant, bon, les riches, il y a des avantages que les pauvres n'ont pas. Hein, OK, on s'entend. Oui. Tandis que au niveau de l'esprit comme ça, celui qui a de l'esprit, il va avoir des avantages aussi que l'inconscient n'a pas, au niveau psychique, par exemple. Oui, mais il peut avoir un prix à payer aussi que C'est l'autre ça, n'a pas. madame, ça, il est prêt à payer. Fait qu'à ce niveau-là, bon, c'est pour ça que je te dis que je suis pas en désaccord totalement. C'est peut-être juste la forme que j'aime Mais pas. c'est parce que la question de l'élitisme, de mon point de vue, c'est que la personne qui est inconsciente a le des avantages et des inconvénients parce qu'elle ne vit pas une souffrance initiatique. Par contre, elle n'a pas accès à des informations de nature créative qui proviennent du plan mental. C'est ça. Alors que la personne qui vit le processus de la fusion est mise en contact avec les forces, ça y parle dans la tête. Par contre, c'est souvent un événement traumatisant. Donc, on peut parler d'agression physique, perte d'emploi, une maladie grave qui amène la personne à s'intérioriser puis à se poser des questions fondamentales sur la vie. Donc, de prendre vraiment contact avec soi, là. Est-ce que d'après toi, il y a des gens qui arriveront pas à ça, puis donc comment je pourrais dire, ils iront pas dans le sens, comme tu dis, ils développeront pas plus leur conscience avec ces chocs-là. Il y a des gens qui d'après toi qui peuvent trébucher. Ben, c'est-à-dire que la capacité d'intégrer une vibration en lien avec les chocs est propre à chacun. C'est un petit peu comme la capacité de résilience. Donc, par exemple, une auto peut être heurtée par une autre et l'auto va être capable, moyennant quelques réparations, de demeurer fonctionnelle. Tandis qu'une autre auto, ben, le choc est trop fort, la capacité de la carrosserie à le prendre n'est pas là. Donc, l'auto est une perte définitive. OK. Donc, c'est vraiment relatif à l'état de la personne, qu'est-ce qu'elle est capable de prendre ou de pas prendre. Exactement. Tu me fais penser, justement, dans mon cas, c'est dans mon cas, moi, parce que, comme on Oui. disait, chaque cas est différent. À un moment donné, ça m'est arrivé dans la tête comme quoi que, bon, j'ai trois principes pour moi bon, peut-être de capacité éventuellement d'avoir, j'en ai, d'intégration de conscience. Le premier, c'est jeune, comme je t'ai dit tantôt, à l'âge de 9 ans, j'ai compris que c'était pas le bon chemin. Le dogmatisme, ça ne s'adressait pas à moi. Bon, forme de mensonge cosmique là, que je reniais. Ça, c'était la première forme. La deuxième, c'est de ne pas tomber dans un sens que tu évolues vers la conscience, de ne pas tomber dans des pièges de la vie. Parce que, tu sais, quand Bernard disait qu'on est intelligent, l'intelligence, ils peuvent te mettre le bâton des roues, tu sais. À savoir est-ce que, bon, ça c'est des chocs ou bien quoi que ce soit. Puis si en plus tu as une certaine faiblesse vis-à-vis de telle affaire, bon, ben, tu sais, toi tu te dis, ça va bien mon affaire, j'évolue, puis voilà. Mais tu as une tentation quelque part, puis bon, là, ça c'est le bracelet qui manipule ou le plan mental, on ne sait pas. Mais ça c'est une chose d'avoir les pièges de la vie qui feront que tu vas. Que tu vas retarder ton affaire, mettons. Pas reculer, mais retarder. Puis la troisième, c'est, moi, en tout cas, ce qui me concerne, je sais pas mal, ça va être comme mon choc à l'âme qui va me faire résister, qui va complètement basculer ma pensée subjective vers une pensée plus subjective, finaliser la chose, l'état de choc qui m'attend. Fait que ça, tu vois, à ce niveau-là, ça, c'est pour moi, ça. Dans le sens que tu as déjà une idée en termes de programmation, ce qui va arriver pour toi dans les prochaines années pour vivre un choc qui va t'amener ailleurs, là. C'est ça, OK. complètement dans une conscience différente. OK. Plus, plus créatif, plus avancé, où est-ce que vraiment l'ego va s'écraser, puis va s'écraser, va transmuter, c'est-à-dire. Mais ils ne sont pas capables, ça va être ça, ou ça va être je sais pas la disparition, mais le choc traumatique émotif. Tu sais. C'est ça, ou bien je vais vraiment avoir une clarté d'esprit beaucoup plus grande. Tu sais, c'est une frontière à franchir. Oui, et justement, parlant de choc, j'étais curieux de savoir, toi, est-ce que tu avais assisté aux conférences de Bernard de Montréal là, en personne? Oui. Et puis, quand que tu as assisté pour la première fois à une conférence de Bernard, est-ce que tu as vécu un choc? Là, je ne me souviens plus du sujet en tant que tel, mais parce que j'ai écouté plusieurs, j'ai déjà même un petit peu parlé avec lui, mais le choc, je dirais non, parce que j'avais écouté quand même pas mal de cassettes avant d'aller à une conférence, mais je dirais un mot simple qui résume, j'étais en harmonie vibratoire. Avec ses propos, puis Sans personne, juste, sans ouais. personne avant, là, Ouais. le voir en réel, là. Une harmonie vibratoire. Je sais pas plus compliqué que ça. J'étais bien. Bon, mais c'est excellent. Sinon, pour donner un petit peu d'idée aux gens qui nous écoutent présentement, à quoi pouvait ressembler une conférence là, typique de Bernard de Montréal là, en termes d'assistance, d'ambiance, de contenu, etc.? Oui, bien, premièrement, Bernard, je fais un résumé parce que tu sais, comme moi, il y a eu différents intervieweurs. Et puis, mais qu'est-ce qui resta quand même, puis même enfin quand il était tout seul, là, puisque j'ai voulu ça, hein, qu'est-ce qui sortait de Bernard, c'était son, bon, premièrement, l'autorité très, très créative de son verbe, c'est sûr, sa capacité à répondre aux questions que souvent les gens demandaient, ou que lui-même se demandait à son propre double, tout ça. Sa technique de. J'aime bien, moi, sa technique, surtout qu'il a fait quand il était tout seul, d'écrire au tableau, il griffonnait au tableau pour parler après ça. J'aime cette technique-là. Pourquoi? Puis, pourquoi qu'il faisait? Ben pourquoi t'aimais ça? J'aime ça. Je trouve ça créatif. Je trouve ça particulier. OK. Moi-même, j'en fais des fois de ça. On dirait que c'est peut-être. Lui, il disait, c'est parce que quelqu'un qui avait demandé, c'est quoi vous barbouillez au tableau? Ben, il dit, c'est parce que si je vous dirais tout ce que je sais instantanément, verbalement, vous, ce serait trop rapide. Fait qu'en écrivant, il ralentissait un peu le processus, il écrivait par ça, il parlait plus slow de. Bon, pourquoi j'aime ça? Parce que, comme tu l'as déjà dit, je suis très bon en écriture instantanée. OK. Moi, ça me rejoignait à ça. Même si dans ce temps-là, ça ne va pas. Si on parle des premières années, tu sais. Moi, je n'écrivais pas beaucoup, mais j'ai vu par après que, entre l'écriture, ça me rentrait dedans, ça m'énergisait. Mais moi, j'écrivais pour le vrai, je ne finissais pas. Mais c'est effrayant comment est-ce que, quand j'écris, je l'écris quasiment sur n'importe quoi. Tu sais. Fait que j'ai écrit des adresses pour les gens dans 15-20 minutes. C'est une page au complet. Je ne dis pas que c'est une écriture automatique, je ne sais pas. Ça sort. Fait qu'il y avait ça. C'est sûr que j'aimais aussi son petit côté quand il s'accrase. C'est ça, j'aimais ça. D'ailleurs, il a emmené, c'est le premier qui a emmené ça, un conférencier qui s'accrase en public. Là, et il disait que c'était pour ça peut donner la vibration au monde. T'sais. Et puis, son humour, j'aimais son humour. C'est sûr qu'il avait un humour très, très, très fin, très raffiné. Fait que, son matériel, bien sûr. Là. Mais si on parle du personnage même, j'aimais la couleur. J'aimais la couleur qu'il donnait. À ses conférences, la couleur de sa personne. Sinon, au fil des ans, par rapport à l'assistance des gens qui allaient à ces conférences, est-ce que tu as observé des changements? Vous faites des années? Oui. Je dirais que oui. En dernier, là, quand il faisait sa conférence en psychologie évolutionnaire, il y avait de plus en plus de jeunes. OK. Vous avez remarqué, c'est remarquable, tu sais, donc probablement que ça s'était parlé plus tôt. Au niveau des gens, il y en avait du nouveau, c'est sûr. Là. Il y a tout à l'heure quand même des gens qui suivaient, c'est sûr, j'en voyais, mais des nouveaux. Puis il y avait un renouvellement de sa clientèle, je veux dire, ça au fil des années. Puis c'était un public très, très, très respectueux. J'ai eu l'occasion de jaser des fois que certaines personnes sur place. Là, il y avait. Bon, c'était pas mal des gens qui, probablement qu'ils en avaient entendu parler un peu, mais c'était des gens qui écoutaient, puis je pense qu'ils étaient capables de, chacun pour eux autres, interpréter le message qui se développe pour les faire réfléchir. Je suis sûr qu'il y a bien des gens, quand ils sortent de grosses burn-out, qui cogitaient. Parce que selon les titres de conférences aussi, c'est sûr qu'il y avait des titres de conférences qui pouvaient toucher. Moi, j'ai déjà écouté des conférences que ça m'intéressait pas. Le sujet m'intéressait plus ou moins. Mais en général, les sujets étaient intéressants, surtout quand ils parlaient plus là, de la psychologie humaine, de la psychologie au cœur de l'humain, les niveaux de manipulation de l'ego, tout ça, l'âme. J'ai bien aimé ces conférences sur la mort aussi. Fait que ça dépend. Mais Bernard était capable pratiquement à chaque conférence, de complètement changer la forme, le contenu de sa forme. Fait que c'est ça qui est intéressant avec lui. Ça va jamais à quoi t'attendre. Exactement. Sinon, c'est sûr que j'étais curieux un peu de t'entendre là, parce que de 77 à 2017, il y a eu sans doute d'autres conférenciers que Bernard de Montréal là, qui ont pris la parole là, pour parler de conscience au Québec. Là. Donc, je ne sais pas si parmi eux autres, il y avait quelques figures Ben, j'en Oui? ai interviewé quelques-uns. OK. Il y a Alain, de pas Alain, excuse. Alors, tu connais ces gars-là. Il y en a un, il y a une page sur Internet. Il connaît Mme Robinson, je pense. Je sais qu'il connaît. En tout cas, les noms m'échappent. Mais il y en a une couple. J'ai interviewé dans le temps, on faisait des sujets avec mes Ah, c'est-tu raids. Gaétan Dubé? Gaétan Dubé, c'est ça, exactement. J'avais fait un. Bon, mais lui, il avait un autre ami aussi. J'avais interviewé les deux, moi, en même temps. Lui était spécialiste en informatique, l'autre que je cherche. Là. Et puis, c'est un ami, Gaétan Dubé. Gaétan Dubé, là, qui avait été un séminariste de Daniel Kemp. Puis, bon, à cette heure, les matériels que les gens amenaient, c'est sûr que. Il y en a plusieurs qui ont dit, quoi, c'est toujours du parler au même, c'est du copier-coller. C'est assez difficile de se distancer. Surtout que Bernard faisait pas mal des années qu'il était mort, quasiment 2, 3 ans après, 2 ans même. Et puis, j'avais de la misère. Moi, différent, j'avais de la misère à embarquer un peu. Si tu passes moi qui, on va dire, j'en savais trop, ou bien, j'étais peut-être trop, comment je pourrais dire, pas rien encore dans l'enseignement de Bernard. J'avais de la misère. Mais les gens qui ont pris la relève, bon, il y a d'ailleurs on s'appelle Daniel Ménard, qui fait encore des conférences de repas, c'est très bien. J'aimais sa clarté d'esprit, sa liberté de parole qu'il parlait. Michael Lassalle, bon, je sais, je l'ai interviewé moi-même. J'ai aimé sa manière de s'exprimer au niveau de l'évolution. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui arrive là-dedans, moi, je vais te dire, c'est comme les émissions que tu fais, ou que moi, mettons, j'amène des gens à s'intéresser. Ça doit être des gens, souvent, que c'est des novices. OK, des novices, parce que si tu prends des gens comme moi et puis d'autres qui ont suivi l'institution de Bernard pendant 25, 30 ans, tu sais, qu'est-ce que tu vas apprendre de plus? T'sais? Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ça à d'autres choses, donc on dit, d'ailleurs, comme beaucoup de gens ont fait. Que si tu as écouté de quelqu'un comme moi, pas toi, je parle personnellement, mais des gens qui ont suivi l'institution de très près, qu'est-ce qu'ils ont à apprendre, t'sais, de moi ou de d'autres? Ça va se ressembler pas mal à quelque chose, quelque part. Fait que je pense que la place, c'est pour ces gens-là qu'on parle, les successeurs de l'expérimental, ça s'adresse à des novices, des gens qui veulent s'intéresser à d'autres choses que leur dogmatisme personnel, ou des gens comme moi qui ont 40 ans, qui ont transité à partir d'un certain occultisme vers la conscience expérimentale. T'sais. C'est des gens, moi, que je dirais que c'est intéressant pour la transition, pour des nouvelles personnes qui Parce qu'il s'intéressent. y a des gens présentement qui t'écoutent un peu partout dans le monde. J'ai eu même la chance de discuter à un moment donné avec un gars qui est situé en Martinique. Donc, il y a des gens, que ce soit en France, en Belgique, des gens un peu partout qui découvrent pour la première fois des éléments qui proviennent du Québec en relation avec la conscience supramentale. Donc, C'est ça. je Surtout en pense que... France, d'ailleurs. J'ai Ouais. beaucoup d'amis français qui j'ai instruit souvent. J'ai fait des genres de. Comment j'appelle ça? J'ai un genre de petit manuscrit que j'envoyais. Même temps, des gens du canal, le processus neurolinguistique, PNL. Oui, la PNL, oui. Bon, ben, à un moment donné, j'ai guidé 5 personnes là-dedans à l'étude de la conscience expérimentale, puis ils aimaient bien ça. Fait que tu vois, mais c'est des gens qui n'avaient aucune notion du supplémentaire, mais c'est des gens qui avaient une notion d'ouverture d'esprit. Ça prend une ouverture d'esprit, tu comprends-tu, pour aller là-dedans. Oui. Comme tu, oui. Puis, le plus important, comme je dis tout le temps aux gens, avoir l'ouverture d'esprit, oui, mais avoir le sens critique encore plus. Oui, exactement, parce que s'il y a trop d'ouverture et pas de sens critique, ça amène des gens à sombrer dans les croyances. C'est ça. Et s'il y a juste l'esprit critique sans l'ouverture, ben ça fait des gens, des sceptiques qui sont fermés à tout, là, qui est pas physique et palpable, là. C'est ça, exactement. Fait que Donc, ça, c'est important. c'est ça, pour pas tomber dans une polarité ou l'autre. Non, parce que là, tu sais, je vous dis, je pense qu'il y a des gens que j'ai connus, qui ont été séminaristes surtout, qui sont tombés dans une forme de religion supplémentaire. Oui, exactement. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont passé de la religion catholique où les gens croyaient en Jésus de Nazareth et là, après, ils découvrent Bernard de Montréal. Donc, c'est sûr, de faire la transition entre idéaliser un sauveur professionnel du catholicisme versus Bernard qui se présente comme étant un initié Oui. publiquement, le pas est extrêmement facile à faire. C'est ça. Fait que, mais ça, c'est chaque personne, comme on disait tout à l'heure au début, c'est pas juste, c'est surtout pas d'apprendre, de, moi je pourrais dire, De mémoriser ça, là, tu sais, c'est pas d'idolâtrie. exactement idolâtrie, là. Moi, mon but, c'est pas d'être un témoin de Bernard de Montréal. C'est ça, comme un témoin de Jéhovah, tu sais. Exactement, là. Donc, Voilà. l'objectif, c'est pas de tisser un culte alentour de cet individu, mais c'était capable de bénéficier de certains propos pour éventuellement aussi se servir de l'instruction supramentale comme tremplin évolutif sur une base personnelle. Je vais te donner, parce que ça m'a bien l'idée, parce Oui. qu'on parle de conscience. Tu me diras ce que tu en penses. La conscience est un état dynamique de l'identité, afin que les intelligences supérieures se définissent elles-mêmes dans leur processus d'instantanéité parfaite. Et dans ce cas, l'humain récepteur doit habiter cette conscience cosmique transmise par cet état fusionnel entre le haut transmetteur et le bas récepteur. Est-ce que ça, pour toi, ça explique le processus psychique de conscience? Cette définition-là, tu l'as lu sur un papier, j'imagine? Ah, moi je l'ai écrit. Ouais, c'est ce que je pensais, parce que L'ai ça se écrit peut pas avec. qu'il canalise quelque chose d'aussi technique C'est ça que je te disais tout à en l'heure. direct. Oui, oui. Quand j'écris, ça sort. Mais Oui, je vais le répéter, la conscience est un état dynamique de l'identité. Es-tu d'accord avec ça? oui. Oui, c'est dynamique parce que ça évolue, c'est pas statique, c'est pas figé dans une forme. Ok, oui, ce bout-là, je suis en accord. OK. Continue. Afin que les intelligences supérieures, donc on parle des énergies supplémentaires, se définissent d'elles-mêmes dans leur processus d'instantanéité. Top. Comprends-tu ce que je veux dire là-dessus? Ben, c'est-à-dire que par rapport à ça, là, je mettrais un bémol parce que les intelligences supérieures, c'est pas eux autres à se définir à travers toi, c'est toi de définir ton rapport avec eux en bénéficiant de l'éclairage de leur intelligence. OK, quand je dis se définissent, pas à travers moi, mais se définissent par eux autres-mêmes, parce que, étant parfaites, les intelligences peuvent pas se définir par ces tout. C'est des états complètement dynamiques. Ils sont pas capables de. D'ailleurs, ils ont créé pour justement avoir un reflet de leur propre perfection. Parce que dans la perfection, Bernard le disait d'ailleurs, tu peux pas évoluer, ils sont trop parfaits. La création de l'homme, ça lui a amené un miroir, ça lui a amené, si tu veux, une personnalisation psychique de leur Sur le plan perfection. matériel. Oui. Parce que sur le plan éthérique, c'est sûr, en effet, c'est des intelligences absolues. Donc, ils n'ont pas évolué, mais à travers nous, sur le plan de la forme, ben, ça les garde occupés. C'est ça, exactement. D'ailleurs, Mais de la mon... pensée humaine, ça Oui, c'est l'évolue à ce ça. niveau-là. Mais de mon point de vue, de les appeler intelligence supérieure, c'est parce que ça peut sous-entendre que l'humain est une intelligence inférieure. Oui. Au niveau de l'ego, oui. Oui, par contre, ce qu'il faut apporter comme nuance, c'est lorsque l'être humain s'élève en conscience, Oui. à ce moment-là, il est capable d'avoir une intelligence qui va les égaliser. Exactement. Donc, l'individu qui intègre son énergie, je vais compléter avec ça, je vais te laisser parler, à ce Oui. moment-là, il n'y a pas de rapport avec les entités du plan mental comme étant quelqu'un qui est devant des dieux ou des intelligences supérieures qui va idolâtrer. Mais il va Oui. plutôt d'avoir un rapport d'égal à égal avec eux, étant donné que, de par le fruit de la fusion, il a intégré leur énergie. Oui. Mais c'est quand je dis intelligence supérieure, c'est pour imager, ça peut être OK. l'intelligence, intelligence éthérée. Mais si je dis intelligence éthérée ou éthérique, les gens vont se demander c'est quoi. Là, il faut t'expliquer Mais l'escalier. c'est parce que c'est délicat, parce que d'un côté, on a Jean Cazot au Québec qui va qualifier des extraterrestres comme étant des intelligences supérieures. Oui. Et de mon point de vue, les extraterrestres sont pas nécessairement des intelligences supérieures parce que... Techniquement, peut-être. Mais pas ce plein d'esprit. Ben, c'est ça que j'allais dire. Peut-être au niveau technique, oui, ils ont des vaisseaux, ils ont des compétences qui leur permettent de voyager d'un endroit à l'autre du cosmos en quelques instants. Par contre, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont pour autant une maturité psychique et avec le développement d'une conscience là, fusionnée comme l'être humain éventuellement à la surface du globe pourra la développer, là. C'est ça, exactement. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que je voulais t'expliquer dans mon énoncé. Quand je disais que le processus d'instabilité parfaite, que les autres, c'était. Les autres, d'une certaine manière, c'est les transmetteurs. Parce que Bernard disait tout le temps, l'évolution, la conscience supramentale, c'est pas l'ego qui a décidé, c'est eux autres qui te connectent. Oui, exactement. C'est eux qui C'est dans ce initient sens-là. la conscience, Oui. le processus de conscientisation auprès de l'ego qu'il subit souvent malgré lui au début. C'est ça. Par Parce que Bernard, oui. il a été lui-même connecté. Oui, exactement. Fait que c'est Ça eux autres. compte sa propre volonté, tu vois. C'est ça. C'est qu'eux autres qui décident de se brancher à l'ego sans que l'ego l'ait choisi ou désiré subjectivement. C'est ça. Sauf que, bon, dans son cas, lui, comme dans le cas d'autres aussi, c'est bon. On va revenir à ce qu'on disait au début. Il était marqué, probablement, pour Ben, qu'est-ce qu'il c'est-à-dire que ça était. faisait partie de son destin. C'est ça. Exact. Programmé. Et puis là-dedans, ben, dans le processus que j'ai expliqué tout à l'heure, ben, c'est sûr que là, ça, ce processus-là d'intégration de l'énergie cosmique, ça l'a amené à la création de l'âme, nécessairement, parce que l'âme, ça donnait à ce moment-là, c'est là que l'énergie devait descendre dans l'âme pour faire l'expérience sur la Terre, ça prenait quelque chose. Ça, la lumière, le rayon même, le rayon d'intelligence, pas tout seul se promener sur la planète. Il aurait tombé sur un chien, il n'aurait pas plus que japper, fait que, ou d'un arbre, un peu plus que grandir, mais dans une forme capable de recevoir l'énergie, la manifester, puis l'exprimer, ça prenait quelque chose, hein, ça prenait un réceptacle. C'est là que l'âme est arrivée pour mémoriser justement ce que je disais tout à l'heure, pour que l'énergie éthérée soit capable de découvrir d'autres choses, c'est que justement les extraterrestres ne sont pas non plus. Être capable de passer un rayon, si tu veux, dans le ciment, dans le béton armé qui est à l'âme. Puis là-dedans, ben avec ces camions-là aussi, finalement, bon, qu'est-ce qui a été amené comme la révolte du citadin, je te parlais tout à l'heure, la descente de l'ego dans la matière, la fossilisation de l'ego, ben, capable de lier avec l'énergie mémorisée qui crée l'ego, puis expirer dans la matière, bon, jusqu'à l'âme, parce que l'âme, bon, c'est un être expérimental avant d'arriver à la fusion. Donc, si tu regardes ça dans l'ensemble, c'est un gros cercle, c'est un gros cycle. À partir du début que je t'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'état dynamique de l'identité, aller jusqu'à la descente d'énergie de la matière, et puis là, avec l'énergie de la matière qui mémorise, à ce moment-là, on sait, ce que tu sais, ça tout le monde le dit, il faut que tu te débarrasses de ton pire esprit, de la crasse astrale que tes collaborateurs, il faut que tu te débarrasses de ça pour trouver ta lumière et retourner, si tu veux, mais différemment, en conscience personnalisée, il faut le noter, parce que quand tu descends dans la matière, tu n'as pas de conscience personnalisée, tu as une conscience astralisée, et puis force d'impression oblige, mais quand tu remontes en haut, tu as passé de balade, puis... C'est une conscience individualisée et unifiée aussi avec bon, ce qu'on appelle l'énergie cosmique. C'est pour moi le cycle à faire, ça, comme si tu veux, les cycles dans une laveuse. Là, tu sais, Oh oui. l'eau de Javel, après ça, des pollues, après ça, tu tombes dans le séchoir et puis t'es correct. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que le cycle du point de départ qu'est l'esprit, la descente d'une partie du même, donc l'âme dans la matière, et ensuite la remontée de l'âme vers l'esprit, donc la fusion. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un moment où ce que l'esprit vit une séparation d'une partie de lui-même qui donne l'âme, puis après ça, les deux sont réunis de nouveau, mais avec un état de conscience différent de celui qu'avait l'esprit à l'origine, étant donné qu'il a participé à un parcours évolutif dans la matière. C'est ça. Moi, je dis que c'est pas mal le cadre. Quand tu comprends ça, je dis bien comprendre ça, ça peut être. C'est un bon cadre de compréhension. Je trouve que c'est un basic de comprendre ça. Oui, exactement. Fait que c'est sûr que pour justement un néophyte, donc quelqu'un qui entend parler pour première fois de conscience sur Internet, ça peut être un élément pertinent là, à prendre en considération. Comment je pourrais dire, une phrase que, ben, pas une phrase, je veux dire, mais une compréhension que tu dois bon, assimiler dans le sens de comprendre. Et à partir de là, parce que c'est sûr que ben, dans l'enseignement de Bernard ou de d'autres, ou des bouquins écrits par d'autres, il y a beaucoup, beaucoup de matériel, mais ça devient de la forme à ce moment-là, des formes différentes. Puis chaque personne est capable de comprendre par elle-même qu'est-ce qu'elle a à comprendre. Ils n'ont pas de filer à savoir, ouais, mais ben là, si je ne sais pas ça, ça ne marchera pas. Ben, une autre affaire, que je te dis ça de même, il ne faut pas avoir peur non plus de penser qu'on n'évolue pas soit assez vite, ou, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir évoluer trop vite, ça c'est l'ego, c'est sûr. Mais tu as des gens, bon, tu as deux sortes différentes. Tu as des gens qui ont peur d'évoluer, ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'ils ont peur d'en payer le sacrifice. Et puis, il y en a d'autres qui veulent évoluer trop vite, mais eux autres, c'est sûr, peut-être qu'ils ne calculent pas le prix à payer. Mais tu as deux genres de différents, des gens qui ont pas évolué, puis ceux qui veulent évoluer trop vite. Puis je Bon. mettrais une troisième catégorie, c'est-à-dire ceux qui évoluent au juste rythme en harmonie avec les lois de l'esprit. C'est ça. Bon, c'est sûr que c'est mieux. Parce qu'ils rejoignent, comme je te disais tantôt, quand je parlais de soulager puis libérer, il faut. Moi, qu'est-ce que je dis moi, aux gens que je parle, c'est qu'il faut évoluer au neutre. Au sens, dans le sens que objectif du terme, je veux dire, surtout émotionnellement. Tu sais. Faut que tu fasses bonne attention. J'ai des gens dernièrement là, qui y avaient de l'anxiété, ils souffraient d'anxiété face à quelque chose qui finalement n'était pas encore arrivé. Fait que l'anxiété, c'est quoi que ça en parle? C'est l'ego qui sème la peur, tout ça. Mais si tu restes neutre dans le sens qu'il faut que juste que tu réagisses à l'action quand elle se présente, je ne dis pas pour prévenir certaines choses. Il y a des choses qui se préviennent, mais je parle vraiment de quelque chose que tu ne sais pas que ce va arriver. Ton enfant va se faire blesser, tout ça. Ou toi-même, ou ton mari, tu vas perdre ta job, genre, tu vas avoir le cancer. Tout ça, là, tu sais. Il ne faut pas que tu te casses la tête avec ça parce que tu t'emprisonnes dans quelque chose que tu sais, tu vas peut-être finir en dépression. Non, c'est ça. Ça sert à rien de nourrir de l'anxiété d'anticipation, parce qu'à ce moment-là, tu te fais astraliser à travers ça. C'est ça. C'est ça que je disais tout à l'heure, qu'il faut que tu sois neutre. Tu sais. Puis ça s'équivaut autant dans la joie. Là. On disait au début encore, ça c'est une victoire sportive ou bien quelque chose qui va te faire plaisir énormément. Il ne faut pas que tu tombes dans l'euphorie. Parce que l'euphorie, pour moi, c'est une émotion qui est survoltée. Exactement. Fait que c'est sûr que l'euphorie, quand on en fait la lecture, on peut réaliser que quelque part, ça coupe l'individu du contact qu'il a avec l'esprit, parce qu'à ce moment-là, il est dans un état d'âme qui est expansif. C'est ça. Alors, je voulais revenir aussi sur le fait de. Pour moi, c'est important de savoir la différence entre l'individualité et l'individualisme. L'individualisme, pour moi, c'est quelqu'un qui va. Il va un égo, premièrement. L'individualisme, évidemment, c'est des gens qui aiment être tout seul, faire ça, des choses tout seul. Il y a un égo souvent surdimensionné. Puis, il se préoccupera pas trop des autres. Puis, moi, je suis capable de le faire, pas besoin de personne, tout ça, dans ce genre de patente-là. Puis l'individualité, c'est quelqu'un au contraire qui va être animé. Bon, l'individualisme, souvent, c'est une intelligence bien intellectuelle, pour ça, c'est beaucoup de simulations intellectuelles. C'est-à-dire que l'individualité, c'est quelqu'un qui va avoir le respect, justement, de son environnement. Et l'individualité, ça veut dire qu'on va dire, ben lui, il est différent des autres, il est unique, il est simple, une ouverture d'esprit. Mais c'est quelqu'un qui va vivre un peu comme on parlait, quelqu'un qui est en évolution de conscience. Il n'oubliera pas au même, il oubliera pas, je veux dire, au même consensus collectif que les autres. Tu sais. Il va choisir par lui-même qu'est-ce qui lui convient, et puis il n'y aura pas dans des rassemblements collectifs si ça ne l'intéresse pas. Et maintenant, il va avoir un regard très objectif sur la politique, il va avoir un regard très objectif sur sur la géopolitique mondiale, sur les opinions aussi. Puis, moi, je sais, parce que je travaille à l'hôpital, n'importe quel milieu de travail, les gens ont des opinions très collectives. C'est vraiment pas dans la réalité du sujet. Tandis que l'individualité, ou bien il se ferme la trappe parce que ça donne absolument rien de mettre de l'huile sur le feu, ou il va exprimer, selon comment il se sent, il va exprimer une opinion très, très objective. Pour moi, l'individualité, c'est un grand cheminement objectif, Oui, ben, contrairement. l'individu qui vit son individualité, on peut dire qu'il est individué à la différence de l'individualiste. C'est ça. Dans ce sens-là, l'individualiste, c'est plus quelqu'un qui nourrit un mouvement d'ego, dans le sens qui nourrit un orgueil, ou ce que, par exemple, il peut avoir du mépris, du collectif, puis il ne souciera pas Exactement. des autres. C'est ça. Je dirais que au niveau de la conscience, bien, il y a ce qui est la programmation. Mais quelqu'un qui a réussi à traverser d'un état à l'autre, c'est bon pour l'évolution de conscience. C'est un individualiste de l'évolution de conscience qui aura de l'objet. Bien, c'est sûr que la personne qui est individualiste aura tôt ou tard à tenir compte davantage des autres s'il veut éventuellement intégrer le principe de l'amour. Exactement. Exactement ça. Puis dans le cas d'individualité, parce que si je parle d'individualité, c'est quelqu'un qui a intégré quand même un état de conscience assez concret, assez concrétisé. Enfin, c'est normal qu'il devienne individualisé ou l'individuation, individuel comme tu dis, parce qu'il ne vit plus les mêmes formes d'existence que le collectif. Non, c'est ça. Il a appris à se définir par lui-même, tout en ayant, de mon point de vue, l'intelligence de justement avoir une sensibilité à autrui pour pas se mettre les pieds dans les plots en public, de se mettre dans le pétrin. C'est ça. Et puis, en général, l'individualité, le gars qui vit ça, il n'y aura pas à regretter à rien parce que vraiment, bon, un peu comme Bernard disait, il est assez intelligent. Comme je te disais au début aussi, tantôt, il va être assez intelligent pour se mettre dans un piège, par exemple, dans le sens que de prendre des décisions très émotives ou très rationnelles parce qu'un individualiste, ça va être habituellement, c'est des gens qui sont très terre à terre. Rationnel, moi, c'est ça. Il va y aller par le raisonnement que par la logique, alors que l'individualité, lui, il va y aller avec différentes formes de compréhension selon l'action qu'il va entreprendre ou la compréhension de d'autres actions à travers son environnement, lui. Il est plus, comme qu'on dit, il est plus songé que l'individualiste qui, lui, est vraiment plus explosif. Quoique, il n'est pas songé dans le sens qu'il réfléchit pas. T'sais. Non, non, dans le sens où tu vois la réalité plus neutre, plus objective. Je vais faire un contraire avec l'autre, c'est que lui Oui. est plus impulsif. Oui, c'est ça. Par contre, il n'est pas non plus dans la procrastination, dans le sens qu'il va faire l'action juste au moment qui convient. C'est ça, exactement. Ni plus ni Tiens, moins, ouais. oui, vas-y, il est plus. C'est ça, il va faire ni plus ni moins. Tu sais, ça, il va avoir une justesse dans le geste et la parole qui va l'amener à avoir une adéquation intégrale avec l'intelligence de son esprit. Exactement, c'est que l'autre. On a un cas, là, présentement, là, mondialement connu. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir du bonhomme? C'est Donald Trump. Lui, il est vraiment la marque de l'individualisme. Ben, Donald Trump, c'est sûr qu'il fait des mouvements qui sont parfois improvisés, parfois impulsifs, qu'il va corriger des fois par la suite, là, en contre-coup, en lien avec des réactions médiatiques. Mais s'il serait individualité, il aurait besoin de se corriger. Non, parce qu'il ferait directement ce qui est adéquat de faire. C'est ça, exactement. Mais dans le cas de lui, mettons, d'après moi, ça, pour être individualiste, comme je te dis tantôt, ça prend un ego assez fort. Bien, c'est sûr que la force de l'individualiste, c'est d'être capable de se démarquer des autres, mais c'est dans un mouvement d'orgueil. Alors que quelqu'un qui est individualisé, il se démarque des autres, mais c'est dans un mouvement d'esprit. Donc, il n'y a pas d'esprit de domination qui se rattache à ça. Exactement, exactement. Puis voulais te dire aussi que dans un manuscrit que j'avais écrit, puis que des fois je marque quand je parle avec des gens, j'avais appelé ça le SLM. SLM, c'est sensibilité, lucidité, puis maturité, qui pour moi est une trilogie intéressante pour les personnes en évolution. Quand je parle de sensibilité, c'est pas la sensiblerie, c'est pas avoir les larmes aux yeux là, sur un aspect quelconque d'émotion, c'est bon, justement la sensibilité vibratoire. Et la sensibilité vibratoire pour évoluer un peu, parce que sinon tu mets un blocage de l'intellect ou de l'ego, et puis ou de taux d'astralité, puis tu n'es pas capable d'aller chercher l'essence, même l'essence, l'essence comme le gaz, là, ou le sens, dans le fond, l'essence réelle d'une compréhension objective, partant de ta sensibilité. La lucidité, ben, c'est un peu savoir que le discernement, ça, je pense que c'est bien important, comme ce qu'on disait tantôt, avoir l'esprit ouvert, mais l'esprit critique, c'est la lucidité de bien voir où tu t'en vas pour pas te faire englober, soit par une personne, soit par un événement. Et puis la maturité, ben, c'est un peu comme le Saint-Esprit, tu sais, le Père et le Fils, ça englobe les deux autres. Tu sais. La maturité, c'est que habituellement, quand tu es sensible, tu as la maturité qui va avec, la maturité d'esprit ou psychique. La lucidité, mais ça va être encore sur un rayon de maturité. Fait que ces trois-là, pour moi, quelqu'un qui est capable d'appliquer, en tout cas, à l'échelle de son évolution personnelle, ces trois principes-là, il peut cheminer quand même assez. Il peut cheminer au travers de son expérience. Donc, c'est sûr que là, tu viens de définir des principes qui peuvent favoriser justement l'évolution de l'individu. Mais que penses-tu des principes qui ont été amenés dans l'instruction par Bernard là, de l'intelligence, de l'amour et de la volonté? Oui, alors, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est un peu, moi, c'est ça, je l'avais mis plus. Je l'avais mis plus que je te dis là, plus pour des néophytes, justement. Mais c'est sûr que le principe de la volonté, l'amour et l'intelligence, ça reste que c'est le basic même de cette pattern, le stage de ton évolution, parce que la volonté, ça t'en prend. Je dirais, là, avec la volonté, je peux fusionner avec la force intérieure. Parce qu'il y en a déjà parlé aussi dans une conférence privée de la force intérieure ou la volonté. Ça prend un des deux pour quelqu'un qui veut vraiment. Si on parle de quelqu'un qui vit des états de choc, mettons, de l'opposition assez sévère, ça prend de la volonté. S'il y a de la force intérieure, ça va y prendre un peu moins de volonté. Mais Mais quelle distinction tu fais entre les deux? la force intérieure, c'est inné, puis la volonté, c'est peut-être pas nécessairement inné. Tu vas la développer. OK. C'est ça la différence. Tu comprends-tu? La force intérieure, tu l'as. C'est en toi. Par rapport à l'incarnation ou par rapport à ton esprit qui est plus présent que les forces de l'homme, mettons. Fait que la force intérieure, ça va être le tempérament aussi. Tu sais, il y a des gens qui ont des forces intérieures, ce n'est pas nécessairement, tu sais, quand on va classifier des gens avec des tendances mentales, ils sont puissants, tu sais. Il n'y a rien qui les affecte. Bon. La base de ça, pourquoi? Puis je ne parle pas de gens qui vont s'en remettre à Dieu, tout ça. Ça c'est de la spiritualité. Hein. C'est bon pour eux autres. Non, je parle des gens. Puis on va voir ça, là, c'est drôle, mais on va voir ça souvent chez les paysans et les fermiers. Des gens qui travaillent sur la terre. Des gens qui travaillent fort puis sont autonomes parce qu'il faut que les choses marchent. Parce que sinon, ils peuvent aller en faillite. Mais c'est des gens qui vont avoir des forces intérieures surprenantes. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Ben, des fois, le vécu de la personne, comme tu le mentionnes, ses expériences au niveau de l'âme les amènent à développer une certaine combativité Oui. envers la vie. Donc, à ce moment-là, en effet, ça peut amener une certaine force intérieure. C'est ça. Puis ils seront pas noyés nécessairement par l'émotion. Ils vont dire, ben, la vie continue, puis des embûches, il y en a dans la vie, puis les embûches, moi je dis ça de même des témoignages que j'ai lu, des embûches, c'est fait pour traverser. T'sais, ils vont avoir une compréhension au niveau de l'ego, sans. Bon, peut-être qu'ils sont armés que c'est diffusé un peu par leur propre esprit, mais c'est des gens qui. Ces gens-là ne porteront pas attention à ça. T'sais. Puis je vais dire, j'aime mieux ces gens-là souvent que des gens t'sais, riches, t'sais, qui ont été riches, des traders de bourse, tout ça, que pour eux autres, c'est tout le contraire. T'sais. Ça, d'un gars, c'est un exemple. Ça. Des gens qui ont fait des fortunes incroyables, t'sais, mais c'est quasiment leur dieu, ça. Puis si demain, il arrive une faillite, ils se garochent en bas du building. T'sais. Non, c'est sûr qu'à ce moment-là, ces gens-là ont peut-être pas développé la même capacité de faire face à l'adversité dans l'existence parce qu'ils ont eu beaucoup d'argent, qui est un C'est élément ça. facilitant. Par contre, de mon point de vue, des gens de toutes les classes de la société, autant des paysans que des gens qui font des actions boursières, peuvent s'individualiser, Oui. individuer, devrais-je dire, Oui. pour reprendre Non. notre classification de tantôt. Oui. Et se libérer là, de l'astral ou de l'inconscience. Donc, des gens de tous les horizons sociaux et politiques qui peuvent vivre le processus. Oui, c'est global. Puis, bon, c'est ça, je veux dire, comme tu dis, c'est précis. Moi, je parle tout le temps de l'aspect global, hein, parce que même dans les collectivités, les plus régressées, il y a des gens quand même là-dedans qui sont allumés, donc on dit, puis on les connaît pas, puis ils se montrent pas, puis bon, tu sais. Il y a des individus individués dans n'importe où, finalement, tu sais. Mais des Exactement. fois, on les connaît pas parce que, bon, c'est pas dans la programmation. Moi, je connais une personne qui est. qui est très, très individuée, mais très solitaire. Puis, elle est pas comme les autres, là. Elle ne sait pas porter, expliquer les choses. Il y a plus souvent dire qu'elle comprend qu'est-ce qu'elle a à comprendre, tu sais. Puis, que le reste s'arrange, tu sais. Puis, donc, ça, c'est pour la volonté, c'est ça, tu sais. Moi, la volonté, c'est plus souvent à développer, tandis que la force intérieure est à développer. Mais, sauf s'il n'y a pas de force intérieure, c'est sûr que là, il faut que tu développes ta volonté, tu sais. Soit par des expériences, par ta capacité de premièrement, de pas te faire amorcer par l'émotion, tout ça, négativement. Puis, ça, c'est pour la volonté, ça en prend. C'est sûr, ça prend la volonté. Après ça, c'est l'intelligence. Mais l'intelligence, c'est sûr que si on parle d'intelligence universelle, là, on ne parle pas d'intelligence intellectuelle. Si tu veux évoluer dans un sens créatif du terme, ça t'en prend. Et puis, ça va rejoindre un peu l'intelligence, si tu veux. Ma lucidité de tantôt, c'est une extension de l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut que tu voyes au travail de la forme. Bon, ça, vraiment, il faut quasiment que tu vois tout le temps au travail de la forme, sinon c'est la forme qui t'emprisonne. Et puis, c'est dans la capacité la plus instantanément possible de discerner. À ce moment-là, c'est l'intelligence. Bon, l'intelligence créative que Benoît Laplace, ça veut dire que moi, dans mon cas, moi personnel, quand j'ai perdu mon emploi, j'avais 53 ans, j'avais 18 ans de service, puis on m'a sacré là, sur le champ. En tout cas, je conflit intérieur avec la direction. Quand j'ai approché aux ressources humaines, la femme, elle m'a dit, écoute, elle a dit, écoutez, elle a dit, c'est la première fois que je vois un homme se faire comme ça, congédié, puis être aussi libre, aussi peu énervé. Elle dit, j'ai vu des hommes ici passer, il y avait le regard à gauche, il était quasiment sans déprime, en partant, tu sais, ça lui prenait une semaine avant de s'en remettre. Moi, tu sais, là, c'est ça, je veux dire, c'était ça, comment elle a broyé, tout ça, c'était ça, tu sais. Fait que j'ai juste, elle m'a dit, bon, revenez dans 3 jours quand même, elle m'a dit, pour mettre les papiers de cessation d'emploi, tout. Mais moi, mon idée était déjà faite. Je parlais à Stéphane-là, puis mon idée était déjà faite. Je suis venu massothérapeute, autonome, professionnel, donc travailleur autonome, parce que je faisais 30 ans, j'étais dans le milieu de tout ça, la bureautique, tout ça, puis la supervision, puis là, j'étais écœuré. Ça faisait 2 fois que je parlais de mon job. Après 30 ans, fait que j'ai décidé comme ça, c'est le temps de me lancer là-dedans, tu sais, pourquoi pas. Ça marche pas, je vais le savoir au fil du temps. Fait que ça, c'est un exemple que je te donne. Mais c'est un bon exemple parce que c'est concret. C'est sûr que d'être capable de faire face à une perte d'emploi, surtout après plusieurs années de service, c'est souvent l'un des défis auxquels peut être confronté l'ego, à savoir s'il va être capable de vivre ça en étant neutre dans le mental ou il va avoir tendance à sombrer dans la crise émotionnelle. C'est ça qu'on revient encore dans notre différence d'individualité et d'individualisme. Ça revient souvent à ça, tu vas remarquer, c'est tout le temps relié, ça, cette affaire-là. Puis l'autre, le dernier, l'amour, bien l'amour, c'est sûr que pour moi, l'amour, supramentalement parlant, pour moi, l'amour, c'est une énergie fusionnelle. Ça veut dire que, d'ailleurs, Kemp disait que si les gens vibraient l'amour réel, là, tel que vraiment l'énergie, on sera tous collés ensemble. On ne pourrait même pas se décoller. Je dis peut-être qu'il y en a qui aimeraient ça, mais c'est ça, au niveau pur. Mais l'amour, c'est sûr que c'est une loi d'harmonie, c'est une loi que bon, premièrement, un exemple pratique. Quand moi j'avais dit ça à un de mes boss, je veux dire, on a des gens ici qui travaillent à l'hôpital, comment est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur travail, mais qui aiment vraiment leur travail, tu sais? Et puis, pas sûr, tu sais, parce qu'il y a des gens qui chignent, des gens qui rechignent, et tu sais, comment t'appelles ça, ils chialent. Puis, moi, j'ai tout aimé mon travail. Fait que, ben, je suis là. Si je n'aime pas mon travail, ça m'est arrivé à 2 occasions, chaque mois, quand ça finit là. Mais donc, l'amour, c'est un amour, c'est quand même, c'est pas un amour, un amour cosmique, mais bon, tu peux le transférer avec l'amour de ta femme, l'amour de tes enfants. L'amour de toi-même, tu sais, bon, je pense que c'est l'amour le plus intéressant que tu peux avoir, parce que si tu n'aimes pas toi-même, bon, tu vas dire quelqu'un qui va venir une vie un peu croche, là, tu sais, prends pas soin de ton corps, prends pas soin de rien. Fait que l'amour, mais moi, je pourrais dire, j'endosse pas l'amour inconditionnel. Tu vas peut-être me dire pourquoi. Ben oui, vas-y. L'amour inconditionnel, pour moi, c'est amené ça par une forme de spiritualité, tu sais, genre namasté et tout ça. Tu sais, les gens bien spirituels, tout, aimer la planète, puis aimer tout. Non, moi, là, le cas de bien, Là, je vois dans le sens de Bernard, j'aime l'amour intelligent. Autrement dit, je vais être ouvert d'esprit, je vais comprendre les choses, puis tout. Mais aimer, là, le voisin, puis la voisine, là, je vais aller voir chez Dieu, je vous aime, là, tu sais. S'il vient chier sur mon gazon, je ne suis pas sûr que je vais l'aimer. Exactement, parce que c'est sûr que l'amour inconditionnel peut amener beaucoup de dérives puis d'exploitation aussi. C'est ça. Donc, quelqu'un qui dit ah, j'aime tout le monde, je suis généreux, mais c'est parce qu'à un moment donné, la personne peut vider de son énergie à force de donner son énergie vitale aux autres. C'est ça, exactement, tout compris, c'est ça que je voulais dire. Et puis, moi, j'avais changé ça, moi, ce terme-là, inconditionnel, par l'amour intemporel. Intemporel, ça veut dire que tu n'as pas de forme en tant que telle, tu aimes au-delà du plan astral de ta structure, au-delà de l'ego. Et puis, t'aimes, là, bon, cosmiquement parlant, on va dire, mais quand même, à la base de ça, c'est respecte-moi. Exactement, parce que l'amour conscient, de mon point de vue, doit prendre racine dans le respect de son individualité. C'est ça. Parce que sans ça, on se ramasse avec des gens qui sont au service de collectifs, là, tu sais, qui vont faire chasteté, pauvreté, d'obéissance, comme certains de nos religieux autrefois, qui faisaient ça par amour pour Dieu, pour devenir des C'est prêtres ça, ou des moines. exactement. Un Donc, bel exemple là, excellent. c'est ça, c'est que le risque. La dérive par rapport à l'amour inconditionnel, c'est de se faire quelque part englober dans le collectif et ne pas donner l'occasion à notre individualité d'émerger. C'est entre eux et toi, l'amour envers Dieu, qu'est-ce qu'il y en a à foutre, lui, dans ce sens-là. Là. Hein? C'est vraiment de la possession, ça, la possession spirituelle. Mais c'est comme tu l'as dit, là, se faire englober et tout ça, c'est pour ça que je n'ai jamais adhéré à l'amour inconditionnel. Tu sais qui m'en parle, lâche-moi avec ça, parce que moi, c'était comme le pardon. Je ne suis pas non plus un partisan du pardon, qui touche un peu aussi l'amour inconditionnel. Moi, je dis plutôt que. Si quelqu'un se fait de quoi, moi, dans ma vie, j'ai tout le temps donné deux chances, comme au baseball. Si tu manques ton coup à troisième, tu as une troisième prise, tu es out. Donc, c'est de comprendre si tu reçois quelqu'un qui te fait des coups, tout ça, non, c'est sûr que je ne pardonne pas, mais je vais le comprendre. Je vais comprendre l'événement, mais je ne le détesterai pas. Comprends-tu la différence? Il y en a qui vont détester des gens à vie, à mort. Moi, je me dis parce qu'une personne de même, premièrement, parce qu'après deux coups, pour moi, il est rendu irrécupérable. Fait que moi, je ne pensais pas ma vie à l'endurer, tu sais, dans ce sens-là. Mais je vais comprendre, parce que je dis souvent aux gens, essayez plutôt de comprendre la personne, donc à le détestant pas, parce que la personne est manipulée, de toute façon. De son nature, peut-être qu'elle ne sera pas même manipulée pour X raisons. Peut-être pour m'écœurer, peut-être pour me tester, ça, je ne sais pas. Je peux savoir, mais qu'est-ce que je sais, c'est qu'elle est manipulée. Puis moi, ben, je me situe hors de cette manipulation-là. Et puis, elle sort de ma vie, ça, c'est un fait. Mais deuxièmement, écoute, je vais dire, mettons, en un exemple, plus une extension, mettons qu'elle m'a mal pris, cette personne-là, mal pris, j'avoue ça, je vais y aider. Tu comprends-tu? Parce que je suis neutre. Mais après ça, c'est fini. Ben, si t'as la vibration de l'aider. Y a pas de réconciliation, là. Non, c'est ça, mais de toute façon, toutes ces choses-là, les rapports autrui, peuvent se gérer sous une vibration sans qu'il y ait réflexion à savoir je pardonne-tu, je pardonne-tu pas. C'est ça. Parce que la réflexion amène un état au niveau de l'ego par rapport à autrui qui amène à attacher des formes par rapport à autrui. Tu dis dans le sens de ne pas pardonner? Ben, c'est-à-dire que si on est dans un processus de réflexion à l'égard d'autrui, à savoir, parce que des fois, il y a des gens qui vont dire ah, je pardonne-tu, je pardonne-tu pas, puis ils Oui. balancent là-dedans pendant des heures. Oui. Donc, à quelque part, sont piégés dans un jeu de réflexion. Okay. Mais moi, c'est clair, il n'y a pas de réflexion. N'y a pas de réflexion, OK. C'est automatique. J'ai récemment, on appelle ça, rupturé là, avec un ami, appelle ça, un ésotériste. Même, il était un séminariste de Bernard. Puis, j'ai mis fin à 13 ans de relation. Là. 13 OK, ans, comme ça. oui. Ah, ça deux fois, là, parce que lui, je me suis rendu compte que c'était un vampire égotique. Comprends-tu? Oui, dans le sens que il te grugeait ton énergie. C'est ça. Fini. Ben, j'en veux pas. Mais je n'ai rien à y pardonner, je veux dire. Que ça donne quoi à pardonner pour le bon Dieu? T'sais, parce que le pardon, ça vient, c'est de la religion, ça, là, ça vient du Christ. Je ne dis pas que ce n'était pas bon, mais à l'époque, c'était très bon, parce que j'imagine qu'à l'époque, déjà, c'était assez barbare. T'sais, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai retenu s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon. Fait que c'est sûr que c'est un concept chrétien. Dans le fond, moi, présentement, je n'œuvre pas avec ce concept-là parce que, de mon point de vue, c'est une forme qui, à l'époque actuelle, devient désuète. C'est ça. Mais je comprends que ce que tu as dit tout à l'heure, entre le pardonner et le pardonner. Non, je ne me pose pas la question. Là, je me l'ai peut-être déjà posé une couple d'années, mais à ce stade, c'est clair. Mais, comme je te dis, je n'ai pas de haine envers la personne. Puis ça, c'est important. Parce que tu as de la haine, tu polarises. Oui, t'es émotive. C'est ça, exactement. Je coupe ça là au ras du gazon. J'ai pas d'âme, je veux dire, je veux pas envoyer des impulsions négatives à cette personne-là. C'est son cheminement, j'ai le mien. Puis ça ne compte plus. Tout simplement. T'sais. Tandis que comme tu disais tantôt, les gens qui pardonnent à des gens qui ne sont pas capables de s'empêcher de pardonner à des gens spirituels, écoute, ils vont dire, ils vont, ils sont, je te dis ça demande des témoignages, on est bien, on n'est jamais bien tant qu'on ne pardonne pas. Mais ça, c'est dans le langage spirituel. Non, c'est ça. En réalité, les gens sont pas bien tant qu'ils continuent de réfléchir l'événement puis ils l'intègrent pas. C'est ça, exactement. C'est ce que tu dis. Parce Et que c'est ça, c'est parce que de mon point de vue, puis ça rejoint peut-être un petit peu le Doc Mayhew qui s'oppose au pardon, tâche. c'est qu'à quelque part, c'est sûr, le pardon, il y a une espèce de bonasserie là-dedans en disant, ah ben t'as fait une faute, c'est pas grave. C'est comme continue, regarde. Mais en réalité, si ça te choque, ça te choque. Donc, il faut pas se faire marcher ses pieds puis C'est dire à ça. l'autre après, ah ben je te pardonne, tu m'as marché ses pieds. Parce qu'à un moment donné, on va tomber avec des abus. Imagine si on dit ça à des terroristes qui viennent mettre des bombes. Ah ben on vous pardonne. Fait que Je commençais pas, mais. c'est ça, il n'y a rien là. Puis après ça, ils continuent à mettre des bombes. Puis c'est pas grave, on vous pardonne. Ben, c'est ça, tu soulèves quelque chose qui me vient dans le sens que moi, quand je dis ça, même si c'est quelqu'un qui, pour moi, ça se pourrait que je me trompe. Mais, tu sais, après 2 fois, là, je connais bien la personne. Pour moi, c'est quelqu'un d'irrécupérable. Mais Comme tu. ça dépend, parce que des fois, ça peut prendre 5 ans ou 10 ans, puis la personne a vu des chocs à l'âme qui vont l'amener à une transformation. Mais c'est vraiment du cas par cas. Tu parles de qui? La personne qui cause le choc ou la personne qui reçoit le choc? La personne que tu dis qui. OK, la personne qui commet une faute, OK, ouais, continue. donc elle, ça se peut que à court terme, il n'y a pas de changement. Puis on dit, ben, regarde, non, ça fait 2 fois que tu fais telle chose qui n'a pas de bon sens, je ne suis plus intéressé. Mais ça se peut que la même personne, dans 5 ans ou Ah, dans OK. 10 ans, qui a commis l'erreur à l'origine, vive un choc à l'âme qui va l'amener une transformation psychique qui va faire qu'elle va être capable de changer son comportement. OK. Dans ce sens-là, il faut répondre qu'il peut y avoir une remise en question avec l'individu. Je suis prêt Ouais, à parler ça avec. peut être réévalué. Oui. Mais Toi, dans... je suis pas trop de reconnaître. Non, c'est ça. Par contre, Oui. c'est sûr qu'il y a des cas que même après 5 ans, 10 ans de vécu puis d'expérimentation, ces consciences-là expérimentales ne changent pas puis ils sont toujours sur la même traque. Donc, Ça, là. Puis, mais dans le sens que tu viens de parler, comme Bernard disait, dans le sens-là, mettons, après 5 ou 10 ans, c'est encore la même personne. Puis, bon, d'ailleurs, tu sais, comme il n'y a pas d'hasard, fait que si la situation, là, on nous a mis, mettons, sur le même chemin ensemble, elle a vécu son expérience, puis moi, je suis encore dans le sens que c'est fini. Puis, que tu viens de dire, c'est intelligent ou pas intelligent de reparler, tu sais. Elle. exactement, mais de mon point de vue, on n'a pas à se casser la tête trop avec ça, parce qu'on le sait vibratoirement. Donc, si ça fait 5 ans qu'on n'a pas vu la personne, puis on la voit, puis tout de suite, ah, on sent que la vibration qu'elle dégage n'est pas pareille, on a déjà une mesure qu'il y a quelque chose qui a changé en elle. As-tu l'habitude de prendre un café? Ben, peut-être pas nécessairement. Il faut. C'est du cas par cas, tu sais. C'est sûr que. Oui. Il y a des gens que 5 ans ou 10 ans ou même 20 ans après, on voit qu'ils n'ont pas changé, juste dans l'énergie qu'ils véhiculent, le non-verbal, le ton de voix. Fait que là, on sait tout de suite qu'il faut s'éloigner d'eux autres. C'est ça, oui, parce que tu peux pas t'entourer de personnes négatives. Tu veux évoluer, ça c'est sûr. Tu comprends-tu? Des Oui, personnes. au même titre qu'il ne faut pas s'entourer de personnes positives. Exactement, L'autre j'en ai polarité. pas. Parce qu'à ce moment-là, on J'en va. peux pas non plus. C'est ça, parce qu'il faut pas se mettre des lunettes roses ni des C'est lunettes ça. noires dans la face, parce que sans ça, on n'a pas des lunettes qui sont transparentes qui nous permettent de percevoir le réel. Exactement, parce que moi, j'avais déjà été dans mes débuts sur Facebook, je me promenais des fois d'un groupe à l'autre, j'allais dans des groupes comme ça, un peu spirituels, ce que j'appelle, moi, à Guimauve. Et puis, je te jure que je n'étais pas bien reçu là. Dans le sens que je mettais les choses claires, tu sais, qui allaient se tuer contre la positivité spirituelle. Fait que j'ai sorti de ce groupe-là, finalement. Ils ont leur domaine de pensée et puis leur réflexion qui leur appartient, puis je respecte ça. Dans ce temps-là, j'étais un petit peu délinquant, mais là-dessus, je me suis rétroactivé là-dedans. Je parle aux gens qui sont intéressés à m'écouter ou bien à aller de l'avant. Mais des gens spirituels, malgré que j'en rencontre des fois des gens spirituels, ben, je suis comme Bernard Fraisse, je respecte ça. Mais je n'essaierai pas de pousser trop loin. T'sais. Ça ne donne rien. Comme eux autres, ils ont pas, ils ne se tentent pas à essayer de me faire changer, si tu veux, à faire régresser, on peut dire. T'sais. Fait qu'il Non, faut c'est respecter ça. l'autre. C'est ça. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, tu apprends à être plus sélectif dans tes fréquentations. C'est ça. Puis, de toute façon, par rapport aux gens qui sont très dans la polarité positive, tôt ou tard, ils vont être confrontés à des chocs de vie pour les réajuster. Oui. Plus important aussi, on parlait de lucidité tout à l'heure, l'individualité. Moi, c'est sûr que même si ça fait 40 ans, comme tu disais, je suis dans le milieu, puis écoute, j'en ai appris des affaires, puis tout appliqué, puis toutes sortes de choses. Mais je ne sens pas encore. Puis loin au bout de, comme je disais à des gens, écoute bien, je suis pas Dieu de paix, moi, là, tu sais. J'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à assimiler, puis à conscientiser, puis ça va avec le chemin que ça va, tu comprends-tu? Je suis pas un maître, là. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il faut pas tomber dans le piège d'être des parvenus. C'est ça, exactement. Parvenu. Parce que sinon, ton ego, tu sais, hey, t'es pas pris, mon gars, là, tu comprends pas mal tout, toi, là. Non, je m'avancerai même pas à dire ça. Parce que tu sais vraiment qu'est-ce qu'il faut te garocher comme roche, là, tu sais. Fait que, deux jours que tu sais que, comme je t'ai dit tout à l'heure, je connais pas mal mon parcours, puis je sais où est-ce que je vais savoir à choisir entre le chemin droit ou le chemin gauche. Ça, je suis pas mal sûr que je le sais. Fait qu'en attendant, ben, j'évolue, puis je m'améliore. Parce que l'amélioration te roule sa place. Oui, c'est sûr qu'on peut évoluer constamment, là. Ça n'a pas de fin, ce processus-là. Ça peut être fin, puis si je commets des erreurs, ben, je pense que la conscience, c'est que de ramener tout ça à toi-même, dire, ben, effectivement, que là, j'étais pas dans ma conscience, peut-être. J'étais un peu absent, j'ai été manipulé, pourquoi pas, t'sais. Puis je me rends, ah, ben, on repart de zéro, tu sais. Mais je prends pas de temps à faire de overtime là-dessus. Je repars de zéro, le compteur de zéro. Je me dis, je me pardonne moi-même. Oui, pour reprendre la thématique du pardon, mais c'est sûr Oh. que l'intelligence, c'est de se réajuster C'est ça. le plus rapidement possible quand on voit qu'on a commis un comportement qui manquait d'ajustement. C'est ça. Ça résume pas mal à ça. La conscience, moi, ça revient encore chez Zata, là, la conscience, c'est de vivre librement, ah, ben, pas en dehors, mais au travail de la forme. Puis la forme, c'est infini. Je veux dire, autant de formes que c'est dans l'infinité, ça. Si tu es capable de vivre librement dans la forme, puis Dieu sait que à ce niveau-là, tu peux être encadré facilement. Tu sais. C'est ça qu'on parle là. C'est de ne pas être encadré, mais ça, c'est pas tout évident. Tu sais, Ben, qu'est-ce quelqu'un que tu entends par encadrer? encadré, ça veut dire manipuler. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Encadré, ça veut dire que tu es dans le cadre, dans le crochet au mur. Tu peux pas sortir du mur. Tandis que si tu n'es pas dans le cadre, ben, tu vas être planché, tu ne vas pas y marcher. C'est ça. Exactement, mais c'est sûr que c'est difficile d'être libre de la forme, dans le sens que c'est facile de s'y attacher. On a juste à penser au moment qu'on fait l'enregistrement, il y a à peine quelques semaines, il y a beaucoup de Québécois qui ont été confrontés à des inondations records en ce printemps 2017. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison parce que la maison n'était pas assurée par des compagnies. C'est ça. Ce qui fait en sorte que c'est des gens qui se sont ramassés dans une situation où ce qu'ils devaient vivre pratiquement la libération d'être libre de la forme, là, libre C'est ça. d'attachement à la maison. Tu vois ça, tu m'emmènes là-dessus. J'ai donné, moi, j'ai fait, c'est rare que je vais donner les choses. J'ai donné un don sur 15 $ à Croix-Rouge. OK. Mais, et puis j'avais donné aussi à peu près 4-5 mois pour le cancer. J'ai pas trouvé des gens que j'aimais dans le cancer, j'ai eu moi-même. Fait que, mais c'est quand ça me dit. T'sais. Mais depuis ce temps-là, c'est sûr que depuis que j'ai donné pour le cancer, là, tous les temps, j'ai reçu des lettres en Alzheimer, les ci, ça, non, direct des poubelles. Là, t'sais. T'sais, je donne quand ça me tente de donner. Ou comme j'avais donné aussi en Haïti, quand il y a eu le gros tremblement de terre, je pense, il y a 4-5 ans. En 2010. 2010, c'est ça. Ça m'a touché. J'avoue, ça m'a touché. Il y a des choses qui me touchent. Je ne suis pas un mur de glace. Là. Mais quand je vois que ça commence à me toucher, je m'observe tout de suite instantanément, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi que tu as réagi à ça. Je vais regarder des musiciens, puis je vais regarder des shows, des fois, ce YouTube, ces choses-là, puis le show vient me chercher parce que ça me rappelle à mon passé, le 30-40 ans, les gros bands, tout ça, puis je viens les larmes à l'œil, tu sais, je le sais, puis je le sais pas de ça, tu dis ah, tu fais, ouais, tu sais. Mais je me parle, tu sais. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir ces réflexes, ces ajustements-là, c'est vraiment émotif, puis ils ne savent pas pourquoi, tu sais. Oui, c'est plus fort qu'eux. Oui. Pour employer une expression populaire, là. Oui, c'est plus fort qu'eux. Dans le sens qu'ils ont une impulsion qui vient de l'âme, mais ils n'ont pas nécessairement la force de volonté de l'esprit pour le regarder objectivement ou s'y opposer. C'est ça, exactement. Puis c'est pas évident, bon, je peux te dire ça. Mais pas je le dis, pas je le vis, mais ça se fait. Mais faut-il mettre un stop? Exactement, mais c'est intéressant ce que tu fais, Sergio, dans le sens que tu es capable de te voir aller. Oui, je pense que se voir aller, là, on parlait tantôt de, je me souviens plus, là, des basics que je t'avais dit au début, en tout cas. C'est quelque chose de très important à. Je ne dirais pas expérimenter, mais ben selon les expériences, voyons, acquérir ça, savoir aller. Oui, être capable de s'observer. C'est ça. Puis Quand tu c'est. parles, Oui, exactement. oui, surtout quand tu parles, parce que je peux te dire, il y a un milieu que je vis, moi, dans le collectif, puis tout, là, tiens, Bernard parle là, les gens jasent, les gens parlent là, il y a beaucoup plus que j'ose qui parlent. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui formulent des mots au niveau de l'âme et très peu émettent une vibration qui provient de l'esprit. Absolument. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un? Vous demandez la question à toi. Vas-y. Quelqu'un qui il sac au 10 secondes. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il n'est pas capable de placer, de faire une phrase sans qu'il mette 4 sacs dedans. Il n'est pas choqué, là. Ben, c'est pas ça. C'est pas Il ça. jase. Ouais, j'ose. Mais c'est pas ça dépend. C'est quoi l'objet de son sac ou de ses jurons? C'est de voir. OK. Non, n'importe quoi. OK? Pas nécessairement une discussion d'inflammatoire. Tu sais, une discussion normale. Bon, j'ai été m'acheter quelque chose, tabarnak, j'en reviens pas. Ah, tu sais, j'ai eu du fun. Comprends-tu? C'est pas nécessairement dans un sujet négatif. OK, mais. Langage courant. Oui, OK, mais de mon point de vue, quelqu'un qui utilise régulièrement des jurons comme ça peut être une façon pour lui que développer de parler. C'est de voir la vibration derrière ça, c'est quoi, tu sais. Mais c'est-tu pour toi quelqu'un qui manque justement de créativité du verbe? Puis il parche avec ça. Ben, ça se peut que quelqu'un ait peu de vocabulaire et C'est ça. compense cette lacune en utilisant ces termes. Par contre, dans certains cas, quelqu'un qui vit de l'adversité, d'utiliser des jurons, ça permet de passer une vibration beaucoup plus forte qu'utiliser des termes là, politiquement corrects. Colin Debin, mettons, là. Ouais, c'est ça. Tu vas pas loin avec ça, tu Non, sais. quelqu'un qui dit « Ah, c'est-tu tabarnak que je suis Oui. fâché? » Là, la Ouais. vibration passe plus fort. Les jurons peuvent avoir une utilité. C'est sûr que socialement parlant, c'est pas bien vu, naturellement, là. Mais en même temps, ça a une force. Quand je te contais tout à l'heure, c'est des jurons là, qui font partie d'une conversation vraiment courante, tu sais, qui n'a pas aucun rapport. Il n'y a pas d'ajustement d'affaires, il n'y a pas de choc vibratoire, là, ça fait partie. Moi, pour le moins, souvent, c'est des gens qui vont patcher avec un vocabulaire manquant ou dans leur tête, ça leur donne une certaine dose de personnalité, peut-être. Ben, c'est sûr que s'ils utilisent des jurons, puis on sent qu'il y a de l'ego puis de l'orgueil derrière ça. Oui, Ou une c'est le cas. paresse de l'ego, c'est un mouvement d'âme. Donc, ces gens-là, ils vivent pas une conscience là, supramentale. Ah non, non, non, non, non, je ne suis pas inquiète, là. Puis, il y a même une fille, puis c'est rare, tu sais qu'une femme, en tout cas, une fille, à ce stade, tout le monde sacre n'importe le sexe. Mais elle-même, elle m'a dit, elle dit, j'ai déjà essayé, elle dit, d'arrêter de sacrer, elle dit, mais elle dit, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure, c'est plus fort que moi. À ce moment-là, quand les gens disent c'est plus fort que moi, je me pose souvent la question à savoir est-ce que la personne vit une forme de possession par une entité? C'est fort probable. Parce que si elle n'est pas capable de contrer la force, l'impulsion qui l'amène à agir d'une certaine façon, c'est parce qu'elle n'a pas une volonté suffisamment forte pour être capable de se libérer de cette influence-là psychique. Oui, parce que qu'est-ce que c'est l'entité ou, mettons, je ne sais pas, là, mais mettons, ce serait le cas, quelqu'un qui est élu dans un milieu comme ça, elle paye sa carotte tout le temps, puis bon, qu'elle ait une genre de copier-coller familial. C'est ingéré à elle. Oui, ben, c'est une reproduction d'une programmation familiale, oui. Ça se peut. Ben oui. Fait que c'est, donc, c'est dur. C'est peut-être plus facile de se défaire de ça, par exemple, qu'une entité. Ben, ça dépend. Ça dépend de la force de la mémoire d'âme qui se Ouais. rapporte au collectif. C'est parce que l'entité peut amener une certaine programmation d'âme, puis le collectif aussi auquel est exposé en bas âge la personne aussi, fait que c'est de voir la force de l'énergie qui est question. OK. Mais on reviendra à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça prend de la volonté et ça s'en sortit. Dans les deux cas, oui. Ouais. Les meilleurs ou les autres. Fait que ça, c'est intéressant. Mais je suis sûr que dans un milieu. Il y a des fois que, surtout les pauses, là, écoute, je dirais que c'est dans le bois astral. Là. Je dirais j'y vais consciemment parlant. Mais par contre, je me dis aussi, ça me permet d'étudier le comportement humain. D'être en contact avec des gens pendant des pauses. Oui, ouais, tout ce qui se dit, je veux dire, oui, parce qu'on prend une pause, moi aussi, mais je peux apprendre n'importe où ma pause, normal, je vois avec mes collègues de travail. Mais, je veux dire, ce qui se dit là, des fois c'est correct, c'est du langage vraiment neutre, tu sais, ça parle de recettes, quoi que ce soit, tu sais, des sujets qui sont vraiment terre à terre, tu sais. Mais si ça tombe dans des, mettons, des critiques envers les boss, critiques envers d'autres employés, ta, ta, ta, ta, oh là, là, là, ça descend en bas. Ben, c'est sûr que ça dépend comment que c'est fait, là, si c'est une critique qui est constructive ou non, là. Non, ça ne l'est pas parce que la personne n'est pas là pour se défendre, premièrement. Puis deuxièmement, c'est vrai que ce que les gens disent, tu sais, souvent. Mais c'est parce qu'ils beurraient pas. Tu comprends-tu sur le jugement? Oui, ben c'est sûr que des fois les gens vont exagérer. Puis ces personnes-là, ah, peut-être tu vas comprendre tout de suite. Quand je te dis que souvent les pires qui vont parler de même, les autres, ils sont encore pires de ce qu'ils disent. Parce que les autres ici sont pareils. Tu comprends-tu? Fait que c'est sûr que si c'est des gens pleins d'orgueil qui critiquent d'autres personnes pleins d'orgueil, ben ça reste problématique. Ça, je vais me mettre sec, mais comme je te dis, j'écoute. Il y a des fois que je me dis, ben, c'est deux pauses par soir. La deuxième pause, je vais pas. Je me renferme dans un bureau, ce que je travaille au laboratoire, puis j'écoute de la musique tranquillement. Puis, alors, je lui dis, là, je suis plus capable. Là, t'sais. Parce que des fois, je suis pas en état plus capable. Je vais y retourner demain, si c'est plus calme, chose comme ça. Parce que Mais maintenant. tu sais, t'es pas obligé d'absorber des propos comme ça parce C'est ça. que après tout, ton esprit, c'est pas une poubelle. C'est ça, exactement. C'est ça. Et quand la poubelle est pleine, je m'en vais à vider. Mais c'est exactement. Mais ça donne. C'est drôle parce que l'environnement comme ça, quand je fais mes soupers avec des membres de mon groupe, c'est totalement différent. C'est là que tu tombes dans une autre dimension de. Une autre dimension psychologique, là, totalement différente. Une autre dimension vibratoire. C'est comme parler avec toi, là, mettons. Là, on parle de choses créatives, de choses d'avancées, mais on ne connaissait pas personne. On peut donner une opinion comme ça, mais ça reste une opinion objective. T'sais. Parce que c'est pas l'opinion qui est dérangeante, c'est l'opinion, c'est beaucoup trop subjectif. T'sais. Oui, ben c'est sûr que si on est capable de parler sans qu'il y en ait un ou deux qui cherchent à dominer l'autre, on est C'est ça. déjà bien parti. C'est ça, exactement. C'est le problème. Puis ça fait encore partie de la conscience. Comme je t'ai dit au début tout à l'heure, la conscience, ça l'englobe un paquet d'affaires. Oui, exactement. C'est sûr que pour ce qui est de la conscience des masses, le jour où il n'y aura plus de problèmes de guerre, d'attentats terroristes, en fait de formes de domination collective, ça risque, on risque de connaître une bonne quantité d'années avant que ça arrive. Ça va Ben, très c'est lentement. ça. Exactement. C'est là que bon, je vais parler. J'ai écouté ton entretien avec Marc de la Salle l'autre jour, puis il disait que bon, ça va prendre du temps. Puis je comprends, puis je suis d'accord avec lui, parce que, écoute, je regarde ça. Écoute, Tu regardes le monde, là, on va parler juste de gens qui sont attirés par qu'est-ce qu'on parle, la conscience. Ce n'est pas les gens qui sont athées, souvent. Ce n'est pas les gens. Là, je globalise, là, en général. Les ceux que j'ai connus, en tout cas. Les gens qui sont matériels, de rien savoir de ça. C'est terre à terre total. Le boulot, le métro, le dodo, puis le sexe, puis ça finit là, faire l'argent. La fin de semaine en vacances, tout ça. La grosse maison, tout ça. On ne parle pas d'évolution. Les gens spirituels, ben, il y a un niveau. Tu peux pas aller bien plus haut, comme je t'ai dit tout à l'heure. C'est niveau spirituel. Puis, ils sont souvent dans l'ésotérisme aussi. Les gens ésotériques, ils restent dans la forme. Après ça, tu as des gens, tu as des artistes. Regarde au niveau mondial, mettons, des artistes, des gens très sensibles, mais ben, voilà, parler d'évolution. Peut-être quelques-uns d'entre eux ont écouté, mais le reste, c'est très très. Ils sont pas intéressés à parler de ça. Tu as les gens qui ont peur, parce que pour eux autres, ça c'est des ésotéristes ou du supramental. Parler de l'incarnation, de karma, tout ça, de la mort, écoute bien, tu vas passer pour un doctrinaire, ben, ils ont peur. Les gens qui ont peur de l'inconnu, ils s'en demeurent juste au principe de vivre leur vie comme ça. Fait que ça fait pas grand personne, ça, dans le monde qui va. D'ailleurs, Bernard l'avait déjà dit, il n'est pas gros dans le monde. Les gens marqués par la barque, ou en tout cas, qui vont évoluer vers la conscience. En même temps, après des événements, là. Certains événements annoncés, il n'y a pas grand monde qui reste. Non, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de voir les événements de fin de cycle, là. C'est ça. Mais de mon point de vue, pour l'époque présente, là, au moment où on fait l'entretien en cette année 2017, il n'y a pas beaucoup, en effet, de gens qui s'intéressent à la conscience et qui sont également concernés par elle. Donc, la façon que je vois ça, c'est qu'il va y avoir une augmentation progressive au fil des siècles. Des individus qui vont vivre le processus de la fusion, puis éventuellement il y aura une masse critique qui va être atteinte, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que ça se produise. Là, ben, il y a le phénomène que j'avais déjà écrit, le phénomène de l'iPhone, téléphone intelligent, là. Tu sais, les gens qui ils se promènent avec le téléphone tout le temps, là. Ils ne sont pas capables de s'en détacher. J'ai été au prénom de Saint-Bruno dernièrement, puis c'était effrayant. À l'hôpital, moi, c'est pareil. Je dis, les gens ne sont pas capables de. Ils s'assisent en mangeant le téléphone, ils se lèvent, même aux toilettes, je le dis. Ça, c'est de l'engouement collectif. Ben, c'est que les gens sont fascinés par cette nouvelle technologie, entre autres parce que c'est nouveau, puis là, ils embarquent là-dedans à fond, comme autrefois, les gens embarquaient à religion à fond. Oui, Donc, exactement. dans un passé pas si lointain au Québec, dans chaque famille, il y avait des religieux. D'ailleurs, il y avait des familles qui visaient à ce qu'au moins l'un des enfants fasse un prêtre ou une sœur. Donc, parmi les petits gars et les petites filles. Donc, on était très porté sur la religion au Québec. Et puis là, on devient fasciné par les nouvelles technologies, donc le téléphone intelligent, entre guillemets. Ouais, intelligent, oui, un guillemet. Parce qu'en réalité, le téléphone, il ne donne pas accès à de l'intelligence réelle au Non, sein de tout. l'individu. C'est le contraire. C'est Il atténue. ça. Il y a plein de gens qui s'en servent d'une manière inintelligente, puis qui Y a ça vont. aussi. Ah, ben oui, c'est C'est sûr. ça, C'est donc. intelligent artificiel, là, tu sais. C'est un communicateur, ça, le téléphone. Mais c'est pas la personne qui est bien intelligente avec ça, là. C'est ça, mais ce qui est. Ouais. Puis tu me parlais tout à l'heure dans le temps des prêtres, ben, c'était la même chose que les pères qui étaient médecins, là, que les fils fassent des docteurs, puis des notaires, puis t'en souviens, de cette époque-là, c'était une époque du patriarcat, là, de père en fils. Exactement. Fait que c'est sûr qu'on a passé d'une période où ce que le Québec s'est libéré de l'influence de la religion, avec la Révolution tranquille, la laïcisation qui se fait progressivement de la société. Puis là, on tombe dans une autre polarité qui est la fascination pour les nouvelles technologies. Donc, au lieu d'être libre de toute forme de fascination, ben non, on se libère de la fascination pour la religion pour tomber dans la fascination aux appareils électroniques. Oui, puis pour toi, ça va durer longtemps. Ça va aller en augmentant. Ben, c'est sûr que de mon point de vue, en effet, il y a une tendance qui est lourde chez les jeunes, dans le sens qu'ils vont socialiser avec les téléphones cellulaires. Donc, leur vie, dans beaucoup de cas, est centrée là-dessus. Donc, les gens vont se voir et planifier des rencontres avec des messages textos. Ils vont tous avoir leur page Facebook, etc. Donc, tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le contre-coup de ces technologies-là d'une manière massive, bien, à ce moment-là, il n'y aura pas de réajustement qui va se faire, un petit peu comme pour la cigarette, quand on va se ramasser avec un paquet de cas de gens qui développent des problèmes, que ce soit des problèmes de myopie, des problèmes de dépendance aux nouvelles technologies. Donc, quand on va avoir des effets négatifs qui vont émerger au sein du collectif, on va assister peut-être à une situation où ce qu'on va vouloir rééquilibrer le tir et être moins fasciné par les technologies, ou même peut-être qu'aujourd'hui les gens sont moins fascinés par la cigarette, alors qu'autrefois plein de gens fumaient dans place, sur les lieux publics. Aujourd'hui, c'est plus permis de fumer à un endroit public. Exactement, ça prend 20 pieds, 20 pieds ou 30 pieds de distance d'une porte de, comme tu dis, bâtiment public. Qu'est-ce que tu penses de la légalisation du cannabis? Bien, de mon point de vue, par rapport au niveau de maturité psychique de la population, c'est pas nécessairement très intelligent. Puis, à quelque part, de légaliser la marijuana, ça risque de banaliser son usage, ce qui va faire en sorte que peut-être des gens vont dire, ben, je vais conduire l'auto tout en ayant consommé de la marijuana. C'est pas grave, le gouvernement vient de le légaliser. Oui. Et puis tu vois aussi des gens qui vont peut-être dépasser la dose, comme l'alcool. Ils s'en tiendront pas juste en joint. Exactement. Puis il y a des gens qui vont être fascinés par la marijuana, comme autrefois il y en a qui étaient fascinés par la religion. Et puis comme il y en a qui sont fascinés par les technologies, donc il va y avoir sans doute des situations d'abus qui vont se produire. Tu sais, les gens de la haute spiritualité qui croient que de prendre la drogue va ouvrir leur centre psychique puis les faire vivre un état de conscience augmentée, Oui, ça, c'est c'est une juste sur le illusion. coup. C'est sur le coup, parce que moi, j'ai pris de l'acide une fois dans ma vie. Ça m'a ouvert un sens, c'est sûr, mais comment je peux le dire, c'est pas ça qui va te rendre conscient. Non, exactement. C'est le contact avec l'esprit. Puis ça, C'est ça. c'est indépendant de substances physiques. Que la C'est personne ça. prenne de la drogue ou prenne pas de drogue, si l'esprit veut pas entrer en contact avec toi, il n'entrera pas en contact avec toi, tu sais. Exactement. L'astral, oui. Oui, l'astral peut utiliser cette porte-là, en effet, pendant que la personne a un centre ouvert pour Lui, il rentre direct s'infiltrer. dans la porte. Exactement. Puis on va avoir des cas, justement, de psychose toxique liée à la grande consommation de marijuana. Qui vont être provoqués par l'individu, ce qui va amener un contact avec des entités astrales. Y avait, d'après toi, je veux dire, je suis plus occulte, mais sais-tu ça, puis les téléphones intelligents, sais-tu manœuvrer par des genres Illuminati? Contrôler la masse en complice. Ben, j'utiliserai pas le vocable Illuminati. Ah, ça de même, là, Par des... contre, ce que je peux mentionner, c'est que oui, il y a des forces astrales qui sont derrière ces agendas-là. OK. Les forces astrales planétaires. C'est-à-dire que il y a des forces astrales, de mon point de vue, qui visent à ce que l'humain reste constamment dans un état de fascination. OK. Et Et comme. d'ignorance. Comment? Et d'ignorance en même Oui, temps. tout à fait. Fait que c'est sûr que s'ils voient, par exemple, avec une société occidentale comme celle canadienne et québécoise, que d'être fasciné par la religion. C'est en déclin. Ah, ben là, on va, tiens, amener la légalisation de la marijuana ou introduire davantage de technologies pour les récupérer ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, c'est Trudeau qui a décidé. Tu dis que Trudeau, il est manipulé par une force astrale? C'est-à-dire que j'aime pas nécessairement me prononcer sur la place publique par rapport à des individus spécifiques. Mais qu'importe d'abord les gouvernements qui prennent des décisions Oui. comme ça, à abaisser une masse, tu dis que c'est des forces astrales, mais ni plus ni moins quelque part, l'astral peut naître quelqu'un. C'est-à-dire qu'il y a des décideurs qui sont sous l'influence d'entités astrales, OK. puis sous le désir aussi de l'ego de plaire. Donc, si un gars, par exemple, comme Trudeau, réussit à aller chercher les gens qui autrefois votaient pour le bloc-pot, qui vise la OK. légalisation de la marijuana, bien lui, il augmente son auditoire parce qu'à la fois, il y a des gens qui votent pour le Parti libéral qui vont être satisfaits de son comportement, puis aussi ceux-là qui voulaient la légalisation de la marijuana. Donc, il peut aller chercher des parts de marché en faisant ça. OK, parce que je parle de ça, aussi aux États-Unis, tu sais comment le fort lobby des armes, je sais pas comment ça s'appelle en anglais, tu sais, les armes. La NRA, C'est National ça. Rifle Association. Ça, c'est fort, tu sais. Oui. Et puis, Obama, il a essayé de réorienter cette forme-là, puis il n'a pas été capable. C'est-à-dire qu'il y a des forces sociales plus puissantes que lui canaliser d'autres gars ailleurs qui ont empêché ça. Oui, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, il y a de l'argent. Oui. Donc, ces lobbyistes-là ont de l'argent pour embaucher des relationnistes. Et puis, à quelque part, de mon point de vue, c'est extrêmement simple. C'est que lorsque il y aura suffisamment de gens aux États-Unis qui font souffrir du fait qu'il y a des meurtres qui sont commis là, à cause des armes d'assaut qui sont utilisées, ben, il va y avoir une réglementation qui va se faire quand les gens vont saturer des abus en lien avec ça. Mais il y a eu beaucoup à date. Oui, mais pas encore assez, parce que plus les OK. gens dorment, plus que ça prend des chocs importants puis en grande quantité pour qu'ils s'éveillent. Donc, après tout, à ce moment-là, il pourrait y avoir un remaniement. Ben exactement. C'est sûr que s'il y a une fois de temps en temps, deux, trois tueries, c'est pas assez pour faire bouger la masse. Mais quand on va être rendu à Des 500 ou 600 personnes qui sont tuées dans des tueries à chaque année ou Ouais. plus, Ou une série de masse. oui, exactement, une tuerie de masse. C'est ça. Ben à ce moment-là, plus que le choc est grand, l'adversité est grande, plus que il y a de chances que les gens remettent en question leur façon de faire et amènent des lois qui autrement n'auraient pas passé. Donc, si on regarde ça du point de vue de la conscience, autrement dit, tout ce qu'on vient de dire là, puis il y en a bien d'autres affaires, là. Ça, c'est les affaires de Wall Street, tout ça, appauvrir le monde, tout ça. On vient tout le temps à dire que c'est collectivement, c'est déjà la sphère planétaire contrôle beaucoup de choses. Ça reste en cause, c'est à l'individu à se prendre en main lui-même puis nager dans la rue être seul pour s'en sortir. Oui, exactement, parce que si l'individu attend auprès du gouvernement, Oui. il risque d'attendre longtemps là, s'il attend auprès du gouvernement, parce que la conscience, après tout, c'est le résultat d'un processus d'individuation. Donc, Ça. Comme qu'on parlait tout à l'heure. par définition, s'il attend le support du collectif, que le collectif s'élève pour pouvoir s'élever à sa remorque, ça va prendre des siècles. Oui, puis c'est pour ça qu'on nous attend. Oui, exactement, mais comme qu'on disait tout à l'heure, ça va prendre aussi, je suppose, c'est des siècles ou des décennies, mais je ne m'aventurerai pas là-dedans. On a encore pas mal de temps de vivre l'inconscient collectif. Oui, en fait, je dis des siècles, mais en réalité, je ne sais pas la quantité de Moi, temps. je ne sais pas non plus. C'est variable en fonction des chocs de civilisation. C'est ça. T'sais, c'est sûr que si, par exemple, un peuple est confronté à des milliers d'attentats terroristes, ça se peut qu'ils se mettent à faire une politique active de lutte contre la radicalisation pour neutraliser le problème, alors que s'il n'y en a pas tant que ça, ben, il va être moins mobilisé pour changer les choses et empêcher que ça se reproduise. Oui, puis, mais comme tu disais tantôt, à la date qu'on se parle, c'est pas plus probable les prochaines années. C'est Ben, pas les prochaines années, je veux dire, la tangente que ça prend, là. Les superpuissances sont encore en guerre, en tout cas, en guerre, juste de mots, mais quand même, il y a encore beaucoup d'opposition des forces planétaires qui s'opposent. Puis, bon, tu as peut-être l'État islamique qui a une tendance à disparaître, là, mais quand même, tu sais, il y a encore beaucoup de pays, le Moyen-Orient surtout, là, confrontation Chine, les États-Unis, tout ça. Il y a encore beaucoup de matériel à améliorer. oui, ben c'est sûr. Donc, l'évolution de la Terre, on est juste à son début. C'est ça. Puis, ben par rapport à l'humanité, devrais-je dire, parce que avant que la régence planétaire, entre guillemets, le gouvernement supramental soit instauré sur la Terre et agisse d'une manière active en vue de maintenir l'ordre et la pérennité de la civilisation, on en a encore pour un petit bout de temps. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de revenir pour voir ça. Mais Ben, tout dépendant si tu as à te réincarner sur il y a Terre, ça, il y a ça, oui. parce qu'il y a des êtres qui vont bénéficier de la conscience supramentale de leur vivant, puis par la suite, ils vont aller se réincarner ailleurs, dans le sens que la Terre, c'est une planète expérimentale, et éventuellement, il y a d'autres mondes qui vont être plus appropriés en fonction d'un niveau vibratoire plus élevé. Exactement, oui, je comprends. Puis, mais tu sais, comme on parlait les fins de cycle, là. Donc, normalement, on est dans une fin de cycle. Hein? Ben, Là, de fin de mon cycle. point de vue, c'est sûr qu'on assiste à la fin d'une civilisation de type matérialiste. Oui, donc, il n'y a rien de bon à venir pour le Ben, à moment. court terme, non, mais éventuellement, l'astralité, qui était en augmentation là, au fil des siècles, va être épurée Parce que des gens vont passer à la conscience mentale, donc l'énergie mentale va remplacer l'astral en eux, ce qui va faire éventuellement que l'égrégore d'astralité collective va être substitué par un égrégore d'énergie mentale, et ainsi le plan astral va tôt ou tard être dilué puis disparaître. Je pense que ça peut disparaître de ce là, oui. Ben, c'est-à-dire que oui, OK. au fil du, ben, ce sera pas à court terme là, mais au fil du temps, l'astral va être complètement, ouais, il va être détruit, il va être éliminé par le gouvernement supramental OK. qui va réorganiser totalement la structure éthérique qui englobe la Terre et ses habitants. Donc, les gens de la sixième race. Oui, si on emploie ces vocables-là. Oh. Ça va être des gens qui vont avoir des psychismes différents que ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, exact. Collectivement parlant, je parle. Oui, exactement. Ben, c'est sûr que les gens qui vont vivre en relation avec une conscience supramentale intégrée, c'est des gens qui n'auront pas de processus réflexif comme ceux de l'époque présente, donc ils n'auront pas de problème d'ego, d'orgueil, ils n'auront pas tendance à la violence, au meurtre, au massacre et à l'attentat terroriste. Puis le basic, comment ça s'appelle ça? Intelligence, amour, volonté, ça va s'appliquer encore, mais plus appliqué. Oui, donc ça va faire partie des paramètres de base de l'instruction individuelle que vont connaître les jeunes dès leur enfance, dans le sens que aujourd'hui, on a passé des cours d'éducation religieuse là, comme on avait autrefois, mais d'ailleurs comme dans ton temps, le petit catéchisme. Ça. Là, on a des cours d'éthique et de culture religieuse, c'est un peu plus objectif. On prend en considération les différentes religions qu'on enseigne à l'enfant, mais éventuellement, les jeunes enfants seront appelés à bénéficier de cours de psychologie évolutionnaire dès l'enfance, où les principes de base de l'intégration de cette conscience-là vont être acheminés via l'instruction publique, lorsque bien sûr il y aura suffisamment de gens qui seront conscientisés et qui vont être concernés par le processus. Puis là, on va être rendu dans un état où ce que le processus va s'adresser essentiellement à la masse, ce ne sera pas un individu à droite et à gauche dispersé qui va vivre cela. OK. Ça va être plus, ça va être la forme de pensée collective qui va avoir changé complètement. Oui, il va y avoir une mutation Attention, c'est ça. exactement du collectif qui va se faire là, dans les prochaines années. C'est sûr qu'au niveau individuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'individu peut évoluer beaucoup plus rapidement que le collectif. Oui. Donc, c'est pour ça que ça devient pertinent de se centrer sur sa propre évolution. Parce que si on attend que le gouvernement supramental soit mis en place pour se mettre en action pour améliorer son sort concrètement dans sa vie, ben, on se tire dans le pied parce qu'on va attendre longtemps. Mais nécessairement, ça va prendre, comme tu disais tantôt, un choc en âme planétaire, parce que le monde, ça ne change pas comme ça. Là. Avec toutes les lobbies qui existent, les courses à l'armement, peut-être qu'il faut qu'à un moment donné que ça coupe. Oui, c'est sûr que il va y avoir des changements climatiques. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Oui. Donc, il y a des endroits dans le monde qui vont connaître des inondations. Et puis, par rapport à ça, ça va amener les gens à se redéfinir. Ben, juste à regarder à petite échelle ce qui s'est passé au Québec lors du printemps 2017, où des gens ont perdu leur maison. Ben, c'est sûr que ces gens-là, soit qu'ils apprennent à se redéfinir en se libérant de la forme, l'attachement à la maison qu'ils avaient, et Oui. passer à autre chose, ou ils passent les prochains mois dans un état de dépression, puis à se mettre à pleurer, puis dans un état de résistance. Lié au deuil de la perte de leur domicile. C'est ça. Moi, je me souviens d'un individu qui a un lac mégantique. Je t'avais suivi ça un peu. Il y Oui. avait un monsieur, monsieur Fontaine. Il avait été remarquable. Il a perdu son fils puis sa business. Puis pas longtemps après, dans l'année, parce qu'il l'avait interviewé un an après, sa femme s'était divorcée. Puis ce gars-là, ben, comme je te disais tantôt, pas besoin d'être. Parce que lui, en tout cas, je ne connais pas, là, c'est sûr, je connais pas comment est-ce qu'il réagissait de même, mais d'après moi, c'est un gars qui avait une force intérieure assez solide, comme je te disais. Puis le gars, il a dit qu'il avait pleuré, puis tout, là, mais il conservait un calme incroyable face au drame. Pour lui, ça, je pense que ça va changer sa perception de vie, là, de cette choc-là, ça va faire quand même changer de quoi en lui, mais il conserva quand même une stabilité. Impressionnante. Exactement. Puis c'est à travers les chocs comme ça qu'on voit si la personne est concrètement ou non stable dans le mental. Parce que quelqu'un peut dire, ah, je fais de la méditation 20 minutes par jour sur le son et la lumière, je C'est suis sûr. stable, je suis stable. Mais tant aussi longtemps que la personne n'est pas confrontée à un choc de vie, comme justement la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, d'une business ou la perte d'une maison, tant qu'elle n'est pas confrontée à du concret, la personne et les autres ne peuvent pas le savoir vraiment à quel point elle a intégré réellement un état de stabilité dans son mental. Ça, c'est des bonnes leçons d'évolution. Disons, des gens qu'on observe de même, des statuts évolutifs des gens, je trouve que c'est des bonnes leçons, ça, des leçons comme ça, là, du concret, comme on dit. Si les personnes s'en sortent pas, autant que la femme au médecin là, qui avait tué ses deux enfants, c'est dur pour une mère, ça, on va dire. Fait que ces gens-là qui traversent des, bon, je considère des épreuves épouvantables, puis il y en a bien d'autres, mais c'est sûr que c'est, ça regarde les gens comment ils réagissent, si tu vois à peu près là, à peu près dans quelle énergie qui se baigne, la capacité la capacité intérieure de ressortir de ça en conservant une sérénité, mais une neutralité, c'est des leçons de vie. Je trouve, en regardant ça de même. Oui, exactement. Ça donne une mesure à quel point la personne a intégré une stabilité mentale, une capacité de résilience, là, ouais, naturellement. C'est sûr que quelqu'un peut se vanter et dire: Ah, moi, je suis détaché de la forme, je suis libre de Ah, la forme, puis blablabla. Mais elle peut se faire prendre au détour en étant confrontée à un choc, puis là, on va voir si ce qu'elle dit, c'est réel. c'est ça. Mais ces gens-là, là, qu'on vient de parler, à part de la force intérieure, on va dire, c'est-tu des gens qui, d'après toi, ont des esprits plus présents qu'ils pensent aux autres, même à eux. Ils sont plus habités qu'ils pensent, mais ils ne savent pas. Je comprends pas ce que tu veux dire. Sais, on parle de conscience, c'est une évolution de Ouais. conscience. Bon. On doit étudier ça pas mal, mais des gens comme ça qui n'ont aucune instruction supplémentaire ou quoi que ce soit, t'sais, aucune connaissance ésotérique. Okay? Puis ils vivent ça, puis ils vivent ça, ils passent au travers comme un guerrier. C'est pour ça que ces gens-là qui n'ont aucune connaissance supplémentaire, connaissance, je parle, c'est des gens qui sont déjà habités par un esprit un mental supérieur, Oui. sans qu'ils sachent. Oui, tout à fait, parce qu'après tout, on n'est pas obligé de connaître les mots du vocabulaire associé au supramental comme prépersonnel, conscience cosmique, ajusteur de pensée, etc., pour le vivre. Parce qu'après tout, c'est une vibration et non pas une forme. C'est ça. Donc, Donc, ça se passe des gens qui sont dans un certain niveau de conscience. exactement, puis ça peut être possible que quelqu'un dans le fin fond de la jungle en Amérique du Sud, qui n'a jamais entendu parler de Bernard de Montréal ou de conscience supramentale, ait un vécu d'une conscience au niveau mental qui vient de son contact direct avec l'esprit sans qu'il ait passé par une instruction intellectuelle du sujet, là. Souvent, ces gens-là vont venir des leaders, probablement dans leur tribu, S'ils des chefs. ont à faire ça, parce que ça se peut aussi que la personne vive ça avec beaucoup de discrétion. OK. Parce que c'est pas parce que quelqu'un vit un contact avec le plan mental qu'elle va nécessairement diriger d'autres personnes automatiquement. Mais ils vont développer un certain charisme. S'ils ont à avoir une impression sur les autres. Oui, c'est ça, Parce c'est des que vendeurs. Ouais. ça dépend comment qu'on entend charisme, là, mais si on entend charisme dans le sens que ah, telle vedette, il a du charisme, Oui. c'est-à-dire qu'il y a une façon de séduire la foule, ben pas nécessairement. OK, mais pas dans ce sens-là. Je parlais dans le sens que ces individus-là, parce que tu parles du fin fond de l'Amérique du Sud, mais ces gens-là, parce que ces gens-là, ils vivent aussi des cataclysmes, tout ça, puis bon. Puis les autres, les individus, ils vont réagir tout le temps autrement que les autres. Ils vont réagir plus créativement, tu sais, compte tenu de ça. Comme tu dis, l'esprit plus éclairé, mais les autres vont le voir aller, vont dire, tabarnouche, il est différent des autres. Oui, les Qu'est-ce autres qui fait peuvent qu'il se passe? observer une différence. Ils Oui. peuvent même leur reconnaître une autorité C'est parce qu'ils sont ça. capables de faire des choses que les autres ne sont pas capables de faire. Exactement. Par contre, ça ne veut pas dire non plus pour autant. En fait, tout dépendant de la sensibilité de leur environnement, parce que si les gens n'ont pas la sensibilité de percevoir une vibration en eux, ils ne peuvent pas percevoir la vibration de l'esprit se manifester à travers d'autres personnes parce qu'ils ne voient pas déjà en eux ça. Fait que ça OK. se peut qu'il passe à côté. OK. Donc, il y aurait beaucoup plus de gens conscients qu'on pense, ça veut dire, mais qu'on ne sait pas. Ils ne savent pas les autres même. Ben, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent vivre une forme de conscience sans avoir mis l'étiquette intellectuelle, conscience, accolée à eux autres. Mais c'est ça. Tu sais, comme on disait tantôt, il n'y avait pas gros, mais on serait peut-être surpris. Ben, ça dépend. De toute façon, ça ne sert à rien de Non, trop non. s'intéresser à ça parce que si tu as rencontré quelqu'un qui est conscient, le plan mental va créer des événements pour que tu la rencontres de toute C'est ça, façon. exactement. Il n'y a pas d'hasard. Non, c'est ça. Nos vies sont en relation avec des programmations et ce qui fait en sorte que si on se parle présentement, il n'y a pas d'hasard non plus. Ouais, c'est bon, ça. Fait que, je sais pas si tu as d'autres choses à échanger. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on parle. Oui. Puis la conscience, c'est sans fin. Fait qu'à un moment Hop. donné, on C'est ça. peut parler pendant des heures et des heures, ça n'arrête pas. Oui, on peut se parler dehors, comme je te disais tantôt. Oui, c'est ça. Je vais profiter également de mon après-midi. Oui, Étant oui. donné qu'au moment qu'on parle présentement, il fait toujours beau à l'extérieur, C'est je ça. voulais quand même compléter avec toi par rapport à la conscience, à savoir, est-ce que dans ton cheminement de conscience, parce que ça c'est dans le fond, ça s'étire sur quand même de peu plus de 40 ans, est-ce que y a des choses particulières que tu as réalisées que tu voulais partager là, aux auditrices et auditeurs là, pour conclure là? Oui, oui, la plus importante, c'était, bon, dans un, c'est psychologique un peu, là, mais me faire confiance. OK? Oui. J'ai été élevé par, éduqué par des parents très, très hyperémotifs, très mal hyperéculés. Ça m'empêchait, dans mon cheminement jeune, ça m'empêchait de me découvrir moi-même, d'en perdre confiance aussi, d'avoir de la misère, devant, de pas de débrouillard, même, tout ça, tu sais. Tu sais, quand tu es recouvert, tu es comme un petit poulet dans l'œuf. Puis, quand j'ai eu le contact avec la connaissance de l'institution de Bernard, comme tu dis, tout à travers toutes ces années-là, ça m'a permis de me redéfinir moi-même en tant qu'individualité, justement, qu'on parlait tout à l'heure, de plus en plus avec les années, et puis d'être capable de faire face à des défis. Bon, comme je t'ai dit tantôt, la perte d'emploi, le cancer, l'accident automobile, tu sais, ou d'autres épreuves, ça m'a permis de me définir au lieu d'en souffrir, émotivement, ça m'a permis plus de me définir moi-même en tant que personne centrique. C'est ça que ça m'a amené surtout. Oui, ben c'est ça, c'est un point intéressant parce que dans le fond, au lieu de se laisser abattre par l'adversité, C'est les ça. épreuves, les oppositions, tu as été capable de rester debout. Oui. Même par la connaissance, comme tu dis au début, de l'instruction. Ça a été un guide pour moi, un guide de vie. Puis aujourd'hui, ben, comme n'importe qui, j'orientais ça vers ce que je suis moi, tu sais, et non pas dans l'instruction même, mais ce que je suis moi, j'ai réussi à ajuster, si tu veux, ce savoir-là à ma propre personne, à mes propres critères à moi, puis pour que ça soit quand même dans le domaine créateur, puis libéré le plus possible, libéré de la forme, tout en profitant. Oui, exactement, pour pas subir la forme puis en être victime. Mais en a profité, comme on dit, des choix de la vie, c'est par la forme, n'importe quel niveau. Fait que d'être aussi, bon, ça m'a amené aussi un discernement plus précis sur la vie. C'est ça que ça m'a amené, si tu veux, dans toute l'expérience du 40 ans. Mais je pense aussi, peut-être encore, c'est le phénomène de voilà, non-confiance puis la peur. Ils ont souvent peur de quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, ben, si ça a de l'allure, je fonce dedans, puis je ne me pose pas la question. Tout en gardant une certaine prudence à savoir dans quoi je fonce. Mais je veux dire, je ne pas d'être imprudent, là, mais la peur pour moi, c'est beaucoup minimisé parce que j'étais trop hyper protégé, jeune. Ça va causer en moi des peurs, t'sais. Des peurs d'action, des peurs de prendre les choses en main, tout ça. Ça a tout été annulé, ça. Non, ben c'est sûr que c'est intéressant de voir comment que tu peux te définir par rapport à un contexte de vie où ce que tu me sembles avoir été surprotégé. C'est ça. Puis j'imagine que ça a été vraiment, si on prend juste un mot, là, ça m'a libéré. Donc à ce niveau-là, c'est excellent. Oui, ouais, heureusement, ça suit son cours, tu sais, selon mon tempérament, puis la capacité de résister à la strike qui s'installe, je veux dire, qui manipule tout le monde, au moins. Puis, mais j'ai l'œil plus ouvert. Ça m'a ouvert l'œil, puis je m'arrange qu'il reste ouvert. Au niveau de la volonté, de l'intelligence, puis de l'amour, j'avance là-dedans, moi, ici. Puis, je vais dire bien franc, je ne dirais pas que je chasse ça, mais j'avance agréablement là-dedans. Bon, ben, tant mieux. Sinon, pour compléter, juste pour réactualiser le fait que tu mentionnais que tu as une page Facebook. Oui, c'est ça, Sergio Poirier. Puis les gens intéressés, ben, juste à faire une demande d'amis ou m'écrire. Mais faire une demande d'amis, ça en apprend. Hein. Et puis, ou juste m'écrire. Puis à ce moment-là, ben, je les intègre dans le groupe, s'ils sont intéressés. Puis comme je suis bon aux gens, ça y est, vous perdez rien. Si vous tentez plus, vous débarquez. Si vous êtes intéressé, vous continuez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'obligation en tant que telle. Donc, c'est sûr qu'en effet, ça peut être une occasion là, pour les gens qui sont intéressés par la vibration que tu véhicules d'entrer en contact avec toi là, sur C'est ça. Facebook pour discuter. Et puis ça, puis dans le groupe, ben, je peux dire qu'il y a beaucoup de matériel là, en masse. C'est probablement la plus grosse librairie virtuelle du genre accessible, je veux dire, en francophonie. Oui, donc du matériel en lien avec la conscience, là. C'est ça, exactement. OK. Donc, c'est parfait. Donc, je te remercie, Sergio, pour cet entretien. Ok, toi aussi, tu étais très, très agréable. J'ai bien aimé ça. Bon, Puis ben, on ça a s'en. été un plaisir partagé à ce moment-là. Si une autre occasion, ben, on la fera ensemble. Avec plaisir, donc, à ce moment-là, ben, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye.